Merci pour cette semaine. Merci. Encore une super semaine avec vous. Hein. Chaque soir, c'est un vrai plaisir d'être là. 20h-23h, c'est le rendez-vous avec le doc, avec Karima. Oui. Moi, je suis Karel. Et on vous retrouve lundi soir, justement, dans l'émission. 20h. Dès 20h, on sera là avec toute l'équipe. Vous pouvez lâcher vos messages sur Facebook, sur Twitter, hashtag LoveInFun. Et puis commencez, je vous l'ai dit, à nous envoyer vos grimaces sur le Snapchat de l'émission LoveInFun Radio. Et on reproduira votre grimace. La meilleure grimace. On va retrouver tout de suite Mickaël No Limit. Bonsoir Mickaël. Yes, comment salut. Ça va? Salut. Bon, en pleine forme, le week-end arrive, ça y est, c'est fait. Mais ça y est, ouais, dis donc. Ça y est, hein. On y est déjà, c'est fou. Déjà, et ça passe vite. Et hein. Vous, c'est quand? Oh, nous, on s'arrête pas, nous. Hein, on verra l'année prochaine. Vous peut-être travaillez à Noël. Trop, hein. Oui, bah, je te le confirme. Je te le confirme. Bon, et d'ailleurs, message au sous-chef qui, lui, ne s'en rend pas bien compte. Ah, c'est lequel? Sous-chef, c'est Lucas. Et puis après, il y a le sous-sous-chef, ça, c'est Pedro. Et puis après, il y a Dieu. Hein, Son Altesse Sérénissime, voilà. Jérôme. Monsieur Jérôme. Respect. Don Jérôme Premier. Exactement. Ah, il faillote dur. Là. Bien sûr, quand il passe, on jette des pétales de rose. Non, quand il passe, on jette le corps de Toff, comme voilà. Ça, il marche dessus. Exactement. Bon, bah, c'est bon quand week-end. Même un bel homme. Non, n'est-il pas. Un peu dégarni. Oh, les faillots. Mais les faillots. C'est magnifique. Mais il a quand même moins de cheveux que le doc. Hein. Ouais, je t'aime, Jérôme. Oui, c'est vrai. Ah, j'ai plus de cheveux que lui. C'est vrai, il faut le dire. Quelle intelligence. Oh là là. Bon, allez, bon week-end. Gros bisous. Ciao. Et puis nous, elle a dit, ouais. Et puis nous, on est parti là jusqu'à 2h du mat. Ciao. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Évidemment, on est là, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Oh, quel enfer encore pour venir à la radio aujourd'hui. Oh là là là là. J'ai cru qu'on y arriverait pas. On était avec Toff et avec Paul dans la voiture, là, une galère. Oh là là. Ah oui. Tout le quartier était nouveau bloqué. J'ai dû faire. Alors ne le faites pas, mais bon, moi à un moment ça m'a saoulé. Et même le flic m'a dit ouais, bon, allez. À un moment, donc, on arrive dans la seule rue qui était pas fermée, mais était en sens unique. Donc forcément, il fallait que je la prenne. Et puis je dis au flic, je m'arrête. J'ai dit écoutez, bon, bah, on est au coin de la rue, là. La radio, elle est au coin de la rue. Je peux passer par lundi. Bon, normalement non, mais... Bon, allez, soyez prudents, mais foncez que personne vous voit. Ah bon? Putain, c'est la première fois qu'un flic me dit « Vas-y, va dans le sens interdit, mec, fais-toi plaisir. » Et fonce. Cool. Eh ben, merci à lui, en tout cas. Voilà, je sais pas s'il nous écoute peut-être ce soir, mais en tout cas, merci à lui. Est-ce que c'était vraiment obligatoire de tout bloquer? Parce qu'il faut savoir que François Hollande a décidé de faire une petite soirée. Hein, ouais. Et donc, il a invité un pote à lui, c'est Xi Jinping. Ouais. Voilà, donc président chinois. Et donc, ils ont décidé de, ça fait deux jours maintenant, de bloquer... tout le quartier. Trois jours déjà. Ouais. Je croyais que c'était que hier qu'ils avaient bloqué. Fait trois jours qu'ils ont décidé de bloquer tout le quartier tout près de la radio. Et c'est une galère. Et plus loin. Tout est bloqué. C'est une galère sans nom. À croire que le mec il se balade tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais enfin bon, soit. Quoi qu'il en soit, ceux qui étaient sur Paris dans le 8e, 17e, etc. Vous en avez chié comme nous. Adoré. On a bien vécu ça. Franchement, c'était énormissime. J'espère que François va ramener encore un autre ami bientôt. Quoi qu'il en soit, on essaiera d'appeler l'Elysée tout à l'heure. Parce que moi j'ai besoin d'un mot d'excuse. Hein. Ah bah oui, on arrive en retard au travail. On arrive en retard, donc on va essayer de l'appeler pour qu'il nous fasse un mot d'excuse, François. Y a pas de raison. C'est normal. Ah bah attends, bah merde. C'est et puis quoi encore. Faute. Bon, on essaiera d'appeler tout à l'heure de toute façon. Quoi qu'il en soit, on est là. Il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. 23h, 2h, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Du lundi au jeudi et le dimanche également, de 20h jusqu'à minuit. D'ailleurs, on sera de retour évidemment dimanche. Et puis il y a même Mehdi qui est avec nous maintenant là. Salut Mehdi. Salut. Comment ça va? Bien. T'as passé une bonne journée, Mehdi? Ouais. Très bien, parfait. T'as fait quoi? Moi, j'ai bossé. Ah, tu fais quoi dans la vie? Ben moi, je bosse dans la peinture. Dans la peinture, d'accord. Ah, mais si tu pourrais revenir venir un petit 4 à la radio éventuellement pour peindre la gueule de Toff. La mettre en rouge. Non, c'est bien. Ouais, plutôt rouge, ouais. Ouais, ça lui irait bien, le rouge. Ouais, le rouge, ça lui irait comme un gant. Il serait beau. Bon, bah parfait. Le jour où tu passes à la radio, tu viens avec les pots de peinture et hop, on en fout partout. Avec plaisir, hop, nickel, on fait ça, c'est parfait. Bon, dis donc, on va parler de quoi, Mehdi, avec toi, là? Parce qu'en fait, j'appelle parce que j'ai un pote qui a un peu de me draguer, en fait. Ah, sympa. Ah, c'est comme Polo, il était tout à l'heure prendre un abonnement chez Orange et le mec, il arrêtait pas de le draguer. Mais il m'a pas dragué. Il lui a fait un meilleur prix que les autres. Mais alors faites ci, faites comme ça, vous allez voir, ce sera moins cher pour vous et tout. Et le mec était gay, donc je me dis, putain, c'est bizarre. Il m'a reconnu, il savait que j'étais. Il a dit, tiens, voilà la star. Il a reconnu tes fesses, ouais, à mon avis. Mais pas du tout, non, ça c'est. Bon, ben voilà, donc en tout cas, merci à lui. Bah, pour non, j'emmerde, j'ai payé. Attends, mais il t'a fait moins cher. Il m'a rien fait. Vu comment du il tout. Y a, il a fait 100 ouais. euros moins cher, il arrive encore à râler. C'est il ça la force. Mais pas du tout. C'est ça la force. Il n'y a rien de. Il n'y a aucun. Voilà. C'est ça la force. Il a même dit, je balance, il a dit, mieux vaut que l'argent reste dans votre poche plutôt que dans celle d'orange. Oui, mais il m'a pas aidé, j'ai payé tout ça. Ah oui, bien sûr. Sous-entendu, paye-moi un verre après. Ouais, mais ça n'a pas compris. Ah non, ça n'a pas marché. Bon, tant pis, qu'est-ce que tu veux. Bon, Sandro va bien également en pleine forme. Au taquet. Oui, ça va. Ah, très bien. T'inquiète pas, ouais, je suis débordé, vous m'emmerdez à me parler à chaque fois au début de l'émission. C'est là que j'ai le plus de boulot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon, bah justement, appelez-la, tiens, elle est là, hein. 01 42 48 5000, vous passez au standard et puis vous passez à l'antenne avec plaisir. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Toff également, qui se prépare à rencontrer de nouveaux amis. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà. Toujours, évidemment. Moi, j'adore rencontrer des nouveaux amis. Avec une nouvelle question qui va tout déchirer. Un enculé. Voilà, ça c'était, c'était bien résumé, quoi. Oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Toff, Polo également avec. Bah, l'armée des loups qui est sortie ce week-end. Et écoutez, ouais, 4 heures, on va aller faire des trucs dans les parcs d'attractions, on va muscler le doux. Exactement, le doux est donc l'auditeur qui n'a pas encore mué, bien entendu. Moins évidemment. De 14 ans, pas de poils et une voix fluette, tu es bienvenu dans l'armée des doux. Tout à fait. Boutonneux. Et il y a Quentin également qui est avec nous, là de Beauval en Picardie. Salut Quentin. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Pas bien et toi? Tu dors? Bah non. Ah t'as une voix toute douce. Ouais. Bon pas doux hein, tu n'es pas un doux mais t'as une voix douce. Une voix calme, on va dire ça comme ça, exactement, ouais. Donc tu dormais pas? Bah non. Bon, eh ben tant mieux, j'ai envie de dire. Bon Quentin, toi t'es là pour gagner le dernier netbook. Le tout dernier netbook qu'on va offrir cette semaine. T'as entendu hier, c'est la poseur de colle, poseuse en l'occurrence, qui a gagné le netbook. Comme quoi, tout ça arrive également à celui qui pose la colle, même si c'est plus rare, effectivement. Bon, vas-y, fais péter la colle, on va voir si les auditeurs vont trouver la réponse, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête? Qu'est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête? Ah bah je sais. C'est quoi? La bite. Ah, est-ce que c'est ça? Non. Ah, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais un jour viendra, Bon, si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez M-I-K-L suivi de votre réponse. Envoyez ça maintenant par SMS au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Et dans quelques secondes, je vous mets la colle également en écrit, évidemment, sur le Facebook. Vous allez pouvoir la lire et même y répondre. Facebook.com/MIKL officiel, ce sera dans quelques secondes. Bon, bah tu restes avec nous du coup, Quentin. On donne la réponse avant 00h30 et tu seras peut-être le repropriétaire d'un netbook tout neuf. D'accord? D'accord. Allez, reste avec nous, Quentin, la bouge pas de là. T'as envie d'écouter un son fait au soir ou pas? Ouais, Rebelle de Black Pearl. Black Pearl. Ouais, bien sûr. Attends, où est-ce qu'il est celui-là? Black Pearl. Où est-ce que je l'ai foutu? Je sais pas. Ah, il est là, voilà. Voilà. Eh ben, je te le mets avant minuit, Quentin. D'accord, merci. Avec plaisir. Et toi, Mehdi, t'as envie d'écouter un son en particulier? Ah. T'as envie d'écouter un son en particulier, toi, ce soir? Ouais. Dis-moi. La flûte. Ah, The Flute. Ah putain, ouais, The Flute. Attends, où est-ce qu'il est celui-là? Ça fait longtemps qu'on l'a plus mis, tiens. Je sais même pas si je l'ai encore dans la machine. Enfin, si, il est dans la... Ah, voilà. La flûte de New World Sound, c'est ça? Ouais. Très bien. Eh ben, on le mettra aussi tout à l'heure. Là, toi, va me le rappeler, sinon je vais oublier. Bien avant sûr. La fin de l'émission, sans problème, de New World Sound avec The Flute. Je vous calerai également le nouveau son Shakira avec La. Il y aura aussi un de mes sons préférés. On va chiller sur Route 94 ce soir avec My Love. Ouais. Et puis bien sûr le nouveau Guetta. Ah, Guetta avec Showtech, ce sera bad. Et je vous cale évidemment tout ça avant la fin de l'émission. Si vous avez envie d'écouter un son ce soir, eh ben comme d'habitude, vous faites votre demande. Hashtag MIKL sur le Twitter de l'émission. En parlant de Twitter, vous pouvez bien sûr aussi m'ajouter pour réagir à l'émission. Tapez MIKL _, c'est le petit tir en bas. MIKL _ officiel. Ajoutez-moi et je vous ajouterai également. Hein, comme ça, on se suivra mutuellement. Et puis vous venez également nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. Là, on est plus de 370 000. Facebook.com/MIKL officiel. Bon, alors, Mehdi. Ouais. Avant d'écouter le son de Shakira, toi tu nous avais appelé parce qu'il y a ton pote qui est en train de te draguer, c'est ça? Ouais. C'est de la folie ça quand même. Non? Bah si. Bah ouais, c'est ouf. Mais t'es ton pote depuis combien de temps? Bah en fait c'est mon pote, bah enfin bref. Ouais c'est mon pote depuis longtemps mais... Attends, est-ce que t'as le kit Malibre ou le haut-parleur là? Non. Ah d'accord, ok, parce qu'on comprenait pas comme si t'étais dans une grande pièce. Mais c'est pas grave, donc c'est ton pote depuis longtemps et puis quoi? Ah c'est mon pote depuis longtemps et il arrête pas de me draguer. Et j'ai déjà une copine... Bah parce que toi t'es pas gay toi. Ah non moi j'ai jamais été gay. D'accord ok, non bah je sais pas, je demande. Bon bah très bien, ouais. Bah dis tout, t'es déjà fait draguer par un mec Toff? Plein de fois, j'ai ma première grande expérience homosexuelle dans une boîte anglaise. Hein? Non mais j'ai pas couché avec lui hein. Ah il m'a... Bon, c'est pas grave, après, le je m'en fous, mais on savait pas. Tous les jours, il sort un truc, tu sais. Non, je l'ai déjà raconté, ce truc-là. En fait, c'est la première fois que je suis à Londres, je suis parti donc en. Attends, on a pas la petite musique? Ah, si, bien sûr, pardon, t'en parles moi. J'aime bien, ça habille. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça habille sa gueule, vas-y. Les histoires de Toff. Donc, je suis en truc de langue, là, en Angleterre. En truc de langue, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est notre première soirée à Londres. On veut absolument sortir. On va aller dans une boîte parce qu'on se dit Londres, c'est la folie. Ça va être génial, les clubs à Londres. Et donc, on rencontre des gens en sortant du train, en arrivant sortant du RER. On rencontre des gens, on leur dit ouais, on veut sortir dans une boîte et tout. Du RER à Londres. Ouais, bah, c'est l'équivalent. Le RER local, quoi. Tu vois, c'est le train de banlieue. Le train, quoi. D'accord. Ouais. Donc on descend du train de banlieue et on explique aux mecs et donc ils nous disent ouais, ben venez avec nous, on va dans une super boîte, c'est juste en dessous de la gare, vous allez voir, c'est génial et tout. Déjà une boîte en dessous de la gare, si tu veux, c'est quand même déjà tendu. C'est hein. glauque. Et donc ouais. on fait pas trop gaffe parce que c'était un couple et un mec en plus. Donc ouais. On se dit ouais, c'est bon, ça va être une boîte sympa et tout. Donc on descend, on arrive sous la gare, on rentre et il y a que des mecs qui font la file, mais bon, on se dit ouais, ça doit être tous les mecs qui sont en train de recaler et tout. On descend. Déjà là, on arrive à la caisse, c'est une drag queen. On se dit, putain, c'est Londres et tout, et c'est pas comme chez nous. Là, c'est une drag queen. Ah non, bah ça c'est sûr. Ils en ont rien à foutre de rien, c'est une drag queen à la caisse et tout. Et donc là, il faut expliquer la boîte. La boîte, c'est une espèce de long couloir. Et en fait, la piste est sur le côté du couloir. Ouais. Donc tu vois pas la piste. Ouais. Tu vois juste le couloir. Et là, dans le couloir, il y a que des mecs. Donc on se dit, ouais, mais c'est parce que les meufs, elles sont en train de danser et tout, machin. Ouais. Et qui se trouve des excuses. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est jusqu'au bout. Et donc on arrive sur la piste, et là, il y a que des mecs. Ah, la violence. Et puis à un endroit on dit il y a une meuf là-bas et tout, ouais, viens on va coller là-bas. Donc on arrive, sauf que la meuf c'était un trave. et là on revoit en fait les Et la Toff s'est fait prendre dans les chiottes hein. Et là on voit donc le couple qui qu'on pensait être un couple, et en fait là bon, on s'est bien rendu compte que pas du tout, c'était également trois mecs. Merde. Et là il y a un mec qui arrive avec une rose et qui commence à me la passer sur le visage. Oh. J'aurais dû mettre celle-là. J'ai été mauvais, j'aurais dû mettre cette chanson-là. Et donc voilà, donc c'était ma première rencontre avec, avec autant d'homosexuels une fois. D'accord. J'ai passé une super bonne soirée. Et donc après, il y a beaucoup de bonnes meufs qui sont arrivées. C'est là que j'ai compris que les bonnes meufs squattaient les soirées gays. Eh ouais, pour être tranquille. Bon, reste avec nous, Mehdi, là, on va reparler avec toi dans quelques secondes. Eh ben, du coup, dites-nous là, si vous êtes déjà fait draguer par un mec en tant que mec et par une fille en tant que fille. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et j'avais une question à vous poser aussi. Tiens, bah, Mehdi, puisque tu vas peut-être pouvoir y répondre. Est-ce qu'il y a des animaux qui te font peur? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des animaux qui te font peur? Ouais. Genre quoi? Moi, c'est plutôt les araignées. Là, t'aimes pas les araignées, toi, d'accord, ok. Non. Et toi, Toff, un animal qui fait peur? Le crocodile me fait très peur. Le crocodile, d'accord. Polo, l'animal qui fait peur. Est-ce que le Toff est comptabilisé? Oui, si, c'est bon. Non, en fait, j'ai pas vraiment peur des bêtes. C'est juste quand je sais qu'elle. Peut-être le serpent, le gros, le boa. Bah le boa c'est celui qui t'étrangle. Ouais c'est ça voilà. D'accord, le gros tricteur. Parce qu'il est quand même Ah bah, il est balèze hein. Et Sandro toi, araignée, serpent, le chien, le chat, la souris, le rat, tout quoi. Les requins blancs aussi. Ah bah les requins blancs. En plus tu croises tellement souvent. Et regarde là, il se balade là. Et dans le couloir le requin blanc là. Salut ma gueule. Ça va quoi? J'en ai peur, mais je trouve ça fascinant. Ah ouais, c'est super beau effectivement. Non, je posais la question parce qu'en Suède il y a une famille qui s'est retrouvée avec un rat de 50 cm dans la maison. Ah ouais. Même le Klebs il s'est barré, il n'osait plus rentrer. Mais dans le métro à Paris, il y en a des balèzes aussi. Ah ouais, j'imagine, ouais. Donc du coup, bah, ils ont fini par le capturer. Alors je vais vous mettre la photo sur le Facebook, c'est quand même assez exceptionnel. Donc venez nous dire quels sont les animaux qui vous font peur. Et puis surtout, si vous avez déjà eu une histoire marrante avec des animaux, là, est-ce qu'il y en a qui vous font vraiment peur? Je vous mets le post maintenant sur le Facebook également pour que vous puissiez y répondre. Alors attendez, je vais vous le mettre là maintenant en live. C'est parti. Voilà, comme ça vous allez pouvoir la poser. Et y répondre surtout. Je lis tous vos messages en direct sur Fun Radio. Restez là, Shakira arrive. Et retour avec Mehdi aussi dans quelques secondes sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël, sur Fun Radio. Bon, on est de retour sur Fun Radio, il n'y a plus de pub là. Il y a Mickaël Apéro sur le Twitter qui dit l'animal le plus heureux de la Terre, c'est le homard. Car même mort, on lui suce la queue. Il y a Warren qui dit moi j'ai toujours eu peur d'une bête, c'est la vachette dans Interville. Mais oui. Zao qui dit moi j'ai peur des serpents. Vive les sodomites sur le Twitter encore. Moi j'ai peur du Toff sauvage. Sébastien, un animal. Il n'y en a plus beaucoup, ils sont en voie de disparition. Ouais, tu m'étonnes. JB également, les abeilles. J'ai une une mauvaise expérience avec les abeilles. Il y a Sophie qui a peur des serpents. Je peux pas les saquer. Bah tu m'étonnes. Les araignées pour Yacine. Il y a Bertie qui dit s'il te plaît Mickaël, passe un message de bienvenue à Manon qui a besoin qu'on lui remonte le moral. Bah avec plaisir. Tu es un enculé. Voilà Manon, hein, avec plaisir et gros bisous à toi. Et Christophe qui dit moi je déteste les rongeurs, même en cage, je les déteste. Bon, ah bah continuez à balancer vos messages. Je viens de vous mettre le post là. Quels animaux vous font peur? Vous balancez vos messages facebook.com/mikaelofficiel. Et puis bien entendu aussi depuis le Twitter de l'émission, tapez le hashtag Mikaël et puis votre message. On en parle juste après le son de Shakira sur Fun Radio. C'est la la la sur Fun. Lego. Et le son de Shakira à l'instant, c'était la la la sur Fun Radio. Allez, bienvenue tout le monde. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros cadeau. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, on est en direct, enfin, il va falloir qu'on appelle Élysée aussi. Hein. J'ai toujours besoin de mon motif, de mon mot de retard. Mais ouais. Excuse, comme François Hollande a décidé d'inviter son pote chinois, bah du coup forcément il a bloqué tout le quartier. Et tu penses qu'ils ont mangé chinois ou pas? Je sais pas, bonne question. En tout cas ils avaient l'embarras du choix puisque tout était vide. Hein. Ah, ils pouvaient aller où ils voulaient tellement tout le quartier était bloqué. Il y a Hervé qui dit « Mickaël, pourquoi tu passes pas mes messages, te kiffe depuis le Sénégal ?» Eh bah si, je passe tes messages Hervé. Je peux pas tous les lire non plus. Hein. Laura aussi, moi j'ai peur des araignées, des chiens, des serpents. Il y a Valou qui dit « Moi j'ai la phobie extrême des poules, des oies, des dindes et toute la volaille en général. » Il y avait Andreas également. Le requin blanc, quand je me baigne, je pense aux dents de la mer. Bon, après, ça dépend. Il est pas partout non plus, le requin blanc. Hein. Warren également. Non, vraiment, j'ai peur des araignées, moi. Et Thomas également. Moi, j'ai pas trop peur des araignées, sauf quand je ne les vois pas. Et Toff, surtout, bien entendu. Flop, flop également. Moi, j'ai super peur des oiseaux. Et alors, sur le Facebook, je vous ai mis la question également. De quoi est-ce que vous avez peur? Il y en a beaucoup qui disaient de leur belle-mère. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais, y a beaucoup qui ont peur des belles-mères. Donc continuez à donner vos avis évidemment. Hein, de quoi avez-vous peur justement? De quels animaux justement avez-vous peur? Je vous ai mis la colle sur je mélange tout moi. Je vous ai mis la question sur le Facebook de l'émission. Allez y répondre et je lis vos messages en direct. Voilà, facebook.com/mikaelofficiel. Bon, et puis il va falloir que je vous parle aussi d'un truc là. Mais on va d'abord appeler l'Elysée hein, avant que je vous parle de ça. Mehdi reste avec nous avec son pote qui le drague. Il y aura David également, il y aura Sam. Et puis bah appelons l'Elysée maintenant. Voilà, j'ai besoin d'un mot là. Pour le boss de la radio, parce qu'on est arrivé en retard. Bah oui. 2h30, on a mis pour faire 3 km. Ouais. Ça c'est fait scandaleux. Quand même peu du kilomètre. Allô ? Oui, présidence de la République, bonsoir. Ah, bonsoir. Dites-moi, je vous appelle pour un petit renseignement. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir un mot de retard de François Hollande. Parce qu'en fait, je vous explique. Allô ? Oui. Oui, parce qu'en fait, je travaille dans le 8e, tout près des Champs-Élysées. Et du coup, je suis arrivé en retard parce que comme François Hollande a invité son ami et ils ont bloqué tout le quartier, du coup, je suis arrivé en retard au travail. Donc, je voulais avoir un petit mot d'excuse, quoi. Vous voyez, comme quoi, c'est pas de ma faute, que je suis pas parti trop tard. Allô ? Ah, je pense qu'il n'a pas envie de te donner de mot d'excuse. Ah, effectivement. C'est scandaleux. On paye ! Bah oui, Ce sont nos impôts ! Ce sont nos impôts, là ! Bon, je rappelle. Pourtant, c'est une demande totalement légitime. Ouais. Oui, allô, excusez-moi, on a été coupé. Allô, Élysée ? Vous appartenez à quelle radio, s'il vous plaît, là ? Ah, c'est Fun Radio. D'accord. Voilà, ça n'empêche pas que je suis en retard. Ah, bah, alors. Ah, bah, dis donc. Oh, bon accueil de l'Élysée, hein. Franchement, j'aurais dû dire France Bleu, moi, c'était l'État ou France Musique ? C'est plus que c'était l'Élysée. Ah, bah, dis donc. Non, bah, dites donc, monsieur. Il me raccroche, ouais. Il est sérieux. Bon attends, il est pas sérieux. Je veux dire c'est France Bleu. Oh, bon accueil l'Elysée. Hein. Ah ouais. Oui, France Bleu à l'appareil. La radio de l'État. C'est pour un reportage. Non plus, non, ça n'est. Radio France. Attends, on va rappeler encore. Essaye Toff pour voir, hein. Peut-être qu'il aime pas ma voix, je sais pas. Oui. Attends, je vais essayer. Il va s'énerver, je crois. Oui, bonsoir monsieur. Allô, monsieur ? Allô ? Allô ? Ah oui, c'est... Ah non, là, plus personne. Alors, appelez l'Elysée maintenant, je pense qu'ils vont tous croire que c'est nous. Attends, bah, Polo, allez, essaye, hein. Allez, les doux ! Attends, allez, vas-y. Appelez tous l'Elysée, c'est voilà. Scandaleux ! Et demandez à une lettre d'excuse de ma part. Vas-y, Polo. Oui, allô ? Oui, allô, ici, Polo ? Allô, monsieur. Vous n'avez pas une façon plus intelligente d'amuser votre auditoire? Je n'amuse personne, monsieur. Okay, je monsieur. Suis polo contre vous le reste du monde. Ben effectivement, vous n'amusez personne, monsieur. Monsieur, vous nous avez bloqué toute la journée. Nous voulons un mot d'excuse. Oh! Mais quand même, il a réussi à tenir le. Peut-être c'est pas vrai. Le plus longtemps. J'ai gagné. Non. La première fois, j'ai quand même réussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, mais ça n'a pas duré longtemps non plus. Hein. Vous n'avez pas une autre manière d'utiliser votre auditoire? On paye! Bah oui, mais putain, on paye. En plus, on peut pas passer, on peut pas utiliser les routes. Il y avait la route, là, tout était bloqué. Ils ont mis des barrières partout. Heureusement qu'on est tombé sur un flic cool qui nous a laissé passer. Mais ouais. Bon, quand même. Bah, sinon, on serait toujours pas arrivé à la radio. Sinon, on serait toujours pas à la radio, je confirme. Et alors, ça m'a fait marrer parce qu'on était à un moment, on est arrivé devant la radio. J'étais en train d'essayer de gratter pour choper une place. Et il y a un mec, voilà, bon, la rue de la radio est en sens unique. Et il y a un mec qui en avait plein le cul. Il prend la rue en sens unique. Et qui c'est qui arrive? La police, monsieur. Ah putain, les mecs, ils ont pas voulu les. Ah, ils ont fait du faire demi-tour. Ils ont pas voulu les laisser passer. Ah, ils étaient moins cool que les flics qu'on a rencontrés un peu plus bas dans la rue. Putain, vraiment. Bon, l'Elysée, vraiment cool, hein, sympa. Hein. Ouais, enfin, déjà qu'ils nous ont cassé les couilles, ça fait 48 heures qu'ils nous font chier avec leurs copains chinois là. Bon, moi je raconte lui dans l'absolu, hein, mais bon, qu'ils fassent pas chier à bloquer toute la rue, quoi. Toutes les rues, tout le quartier. Oui. Hein. Non, mais là, ils l'ont emmené à Versailles, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas l'emmener dans un hôtel ici à côté et puis qui réouvre les routes. Pourquoi ils l'ont pas amené à Disney là? Ils s'amusent là-bas et puis qu'ils arrêtent de nous casser les Non mais franchement. Et puis déjà franchement je trouve l'accueil de l'Elysée très moyen. Je suis sûr que si on avait appelé en disant oui bonjour monsieur, bon France Musique à l'appareil, directement ça aurait été différent là. Mais comme là c'est Fun Radio, ça doit être la radio des connards à mon avis pour eux. Hein. Bah oui. Ah bah ouais, ça doit être la radio des sales cons, alors du coup forcément on se fait raccrocher au nez 5 fois d'affilée. C'est honteux. Et je ne compte pas les 3 fois en plus où on a parlé dans le vide parce que monsieur ne voulait pas répondre. Voilà, n'a pas daigné répondre à des gens qui ont été emmerdés toute la journée. Exactement, alors que c'était pas un appel gratuit pour emmerder le monde. On voulait vraiment un vrai mot de l'Elysée. J'en appelle au doux. Tous les doux appellent l'Elysée. Oui. Ne les lâchez pas. Exactement. Allez les doux. Appelez l'Elysée. Je peux pas vous donner le numéro, mais cherchez-le sur internet. C'est facile à trouver. Voilà, c'est très simple. Ça commence par 01. Ça, je peux dire. Oui, oui. Voilà. Bon, il y a Adeline également qui dit: moi, j'ai peur des araignées. Dernière fois que j'en ai croisé une, crise de panique, impossible de me contrôler. Ah bah oui, tu m'étonnes. Kubra également qui dit: moi, j'ai peur des cafards. Bah, faut pas en avoir peur, mais c'est vrai que c'est très moche. Et Ken le survivant qui dit: salut Mika, je peux avoir un message de bienvenue pour mon collègue Pic. Chou, Paulstra, Virzon, merci à toi, bien sûr. Ce gros connard va te faire enculer. Voilà, au bon accueil, bonjour, bien entendu. Il y a Bastien qui dit: moi j'ai peur des gendarmes et des policiers et les insectes également d'ailleurs. Et alors Christophe qui dit: ah voilà la famille nos limites, du pur bonheur, rien que d'y penser, je suis déjà en extase. Oh c'est gentil, merci pour ce petit message. Bon, on va récupérer Mehdi aussi dans quelques minutes. Et puis, si vous ne le saviez pas encore, c'est ce week-end qu'on change l'heure. Hein. Oui. Alors ce week-end, alors attendez, il faut ajouter une heure. Oui c'est ça, à deux il est trois. À deux, donc on va se faire berner d'une heure. C'est ça, c'est scandaleux, on va se faire voler. Ouais, exactement, donc le week-end n'aura jamais été aussi court. Hein. Une heure dans le fion, on va dire ça comme ça. Hein. Et donc du coup, bah, pour fêter ça, il y a le WWF qui a lancé le Earth Hour. Alors c'est l'heure pour la planète, on va dire ça comme ça. Et l'idée donc c'est d'éteindre tous vos appareils électriques le 29 mars de 20h30 à 21h. Et pour pas vous faire chier pendant cette heure-là où vous allez couper tous vos appareils électriques, et ben Durex a décidé de lancer la Love Hour. C'est une heure pour faire l'amour. Hein. Donc maintenant que vous savez tous ce qui... faut faire là, donc samedi 20h30, 21h30, vous pouvez baiser. Tof, t'as prévu de baiser? Évidemment. Avec ma main. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais peut-être que je pourrais appeler des gens pour leur demander s'ils ont envie de baiser. Écoute, avec moi. J'allais te le proposer, donc on va faire ça dans quelques minutes. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer à Tof, n'hésitez pas à les envoyer sur le mail de Tof. toph@funradio.fr. Bon, on va reparler avec Mehdi là maintenant. La Mehdi, t'es toujours là? Ouais. Bon, tu nous avais appelé parce que ton pote te drague, donc ça te pose un problème, hein, forcément, hein, ça te fait un peu chier, surtout que tu lui as déjà dit que ça t'intéressait pas. Parce que à la limite qu'il te drague en soi, c'est pas très grave. Au contraire, à la limite, c'est même sympa. C'est flatteur. Ouais, c'est flatteur, tu vois que tu plais, même si c'est un mec et que t'es pas gay, bon bah voilà, t'es flatteur quand même. Ça m'a beaucoup excité le mec avec sa rose. Avec sa rose. Ah oui, dans la boîte. Ah oui, pardon. Le mec qui venait avec sa rose, qui l'a frotté sur moi. Oui, l'histoire dans la boîte en Angleterre que Toff a raconté il y a une vingtaine de minutes. Je me suis senti sexy pendant presque 30 secondes. Ça ne m'étonne pas. Bon, et donc du coup, il y a David qui est avec nous de Marseille, là. Salut le Marseillais, comment ça va? Salut Mickaël. Tu vas bien? Très bien. Bon, très bien. T'as peur des animaux, toi, ou pas? Est-ce qu'il y a un animal dont tu flippes? Oh non, j'ai pas trop peur des animaux, non. Rien de spécial. Bon, ouais, non, il y a quand même des... Il y a beaucoup de rats à Marseille. Hein. Bah, il y a des vrais rats. Non, ça va, ça c'est va, sale. Non, le vieux port est sale. Ouais, oui, bah oui, c'est un port. Et en même temps, je crois que la Seine, mec. C'est... Non, c'est l'eau la plus propre de Arrête France. Arrête ton cinéma, là, connard de Paris. Je la bois et je la bois, moi. Eh ben, chiche, on va vas-y, je vais chercher un verre, là. On va chercher un verre et tu vas la boire. J'y vais maintenant, là. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors, David, sois le bienvenu. Donc, toi, tu voulais réagir à Mehdi dans l'absolu. Puis, on t'écoute. Bienvenue, David. Ouais, en fait, je voulais pas spécialement réagir à Mehdi, mais plutôt aux animateurs de Fun, parce que je trouve qu'à chaque fois que vous parlez des gays, c'est vachement caricaturé et c'est pas top pour nous. Ah, mais on déteste les gays, on aime pas les PD. Mais non, mais non, qu'est-ce que tu vas chercher, j'ai pas sans vous déconner. Les aimez pas, j'ai pas dit que vous les aimez pas. Mais caricaturé, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire le coup à chaque fois de la rose avec le ton mais pote. Mais c'est vrai, je l'ai fait une vraie histoire. Oui, c'est, oui, c'est mais l'histoire vraie. À chaque fois que vous parlez de ça, c'est genre ton pote derrière qui fait ah, l'air de dire horrible et tout. Alors bah oui, bon, bah, ouais, bah oui, c'est horrible. Attendez, quand t'es. On est gentil comme tout. Ah, mais attention, ah, mais David, je tu dis mélanges. Pas le contraire. Non, mais attends, tu mélanges. Moi, je l'ai déjà dit, je sais qu'il y a des mecs qui râlent et à chaque fois, il y en a qui appellent, mais ça reste, ça n'empêche que c'est mon avis. Je n'ai absolument rien contre les dieux, chacun fait ce qu'il veut de son cul, ça me dérange absolument pas, loin de là. Mais effectivement, quand je regarde par exemple la télé, j'ai. Je regarde avec plaisir deux meufs qui s'embrassent ou deux meufs qui font n'importe quoi, mais deux mecs, je suis désolé, moi je trouve que le corps d'un mec c'est moche. Ah mais non, il est mieux je trouve. Ouais, bah, mais c'est parce que tu pars avec un a priori. Mais voilà. Oui, mais le problème c'est qu'il y a des... Bon moi je vous écoute tous les soirs, donc c'est que j'aime bien, c'est pas le souci, mais il y a des jeunes de 18-19 ans qui doivent se chercher, qui doivent avoir peur de l'idée d'être gay, et d'entendre cette caricature, je pense que ça doit pas leur faire du bien, parce qu'on est toujours en train d'un petit peu se moquer. Écoute, non, franchement, j'ai pas l'impression que... Je vous rassure, moi j'ai pas de rose quand je vois botte. Non mais voilà, mais après... Non, mais je dis, moi j'ai vraiment pas l'impression qu'on se moque. Après, en tant qu'hétéro, s'il y a un mec qui vient et qui dit ah moi j'ai envie de coucher avec toi, bah oui c'est bon, c'est pas mon délire, ah, quoi, non, tu vois, c'est pas ça comme ça. Non mais attends, mais y en a, attends, a, attends moi j'ai déjà eu un auditeur qui voulait me casser les fesses, hein. Non mais attends, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est véridique, vrai. Véridique, donc mais... si tu veux Non mais bah, après pour comment, David, moi j'ai passé des super bonnes soirées dans des clubs gays, hein. C'est là où on s'amuse le plus. Je n'irai pas jusque là, mais pas loin. Mais si. Non mais voilà, mais pas tout loin. Tout ça pour dire que j'ai aucun problème, et ni personne dans cette équipe, ni même personne, je pense, à la radio. Et en plus, franchement, il y en a beaucoup des gays à la radio, donc ouais. On s'en branle, quoi, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'on veut. Ah, Toff, il est gay en fait, non ouais. Ah ouais, Toff, il est recto verso, lui, il s'en fout. Hein. Lui, ça dépend des jours. Voilà, lui il prend ce qu'il prend. Bah attends, reste avec nous, David. Bah du coup tu vas peut-être pouvoir filer quand même malgré tout un coup de main à Mehdi, hein, puisqu'il se pose la question. Bon, reste avec nous, Mehdi, bah reste avec nous aussi. On aura Sam, on aura Bastien également pour parler des animaux. On va reparler de Quentin également, enfin de la colle plutôt avec Quentin. Et puis on va se mettre également le son de. Qu'est-ce qu'on va se mettre Bah Rehab et Nervo, tiens, ça me paraît un bon plan ça. Et puis on fera les premiers appels juste après. Mais oui, avec très plaisir. Bien. Et on accueillera également notre brésilienne qui était passée hier soir. Toff, il va falloir que tu chantes, hein. Oui, je sais. Ouais, non, elle est derrière. Devant. Oui, et non, mais je regardais si on pouvait l'asseoir. Ah, d'accord, ok. Le son de Rehab avec Revolution sur Fun Radio. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël Olivier. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio. Continue à prévenir vos potes qu'il se passe enfin un truc à la radio le soir et que c'est sur Fun Radio que ça se passe de 23h à 2h la semaine. Et le dimanche de 20h à minuit, il y a Flop Flop qui dit on peut être hétéro et vouloir expérimenter une relation homo. Non, moi je l'ai fait, je regrette pas. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai aucun problème, je ne juge personne, je m'en fous. Il y a Fredes34 qui dit d'être gay ou lesbienne, peu importe, l'essentiel est d'être heureux. Voilà c'est vrai. À quelle phrase je me raccroche, celle de Fredes34. Il y a Fariel également, moi. J'ai une peur bleue des serpents. À chaque fois que je vais dans mon lit, je vérifie bien qu'il n'y en a pas de serpents sous ma couette. Mais car oui, effectivement, il y a tellement de serpents qui se baladent par ici. Il est pas à Miami, quoi. Encore, t'habites à Madagascar. Voilà. Bon, où t'as des migales, t'as des bestioles un peu bizarres. Bon, je comprends que tu vérifies, mais bon. Abder qui dit moi j'ai peur de Toff, comme beaucoup. Chloé également, j'ai très très peur des poules. Et alors elle dit aussi il rigole pas à l'Elysée. Ah bah non, je confirme, il rigole pas. Non bah là ça c'est clair, hein. Et Blackheart également qui dit moi j'ai peur du Toff, un animal en voie de disparition. Et tant mieux d'ailleurs au final. Tant mieux que cette merde disparaisse de la surface de la Terre. Bon, salut également les filles qui sont passées nous voir ce soir là. Comment ça va les filles? Ça va et toi? En forme? Alors comment tu t'appelles? Marine. Non, on t'entend pas, il faut prendre le micro. Ophélie. Marine Ophélie, et alors il y avait Laurence d'hier soir. Et Laurence. On t'entend mal, dans le micro, Laurence. Regarde comme moi. Ah voilà, Laurence. Laurence donc la chanteuse, la du Brésil, etc. Voilà. Du Brésil, c'est bien ça. Voilà, on entend plus fort encore. Le micro est un peu loin. Eh bah tire-le. Bah tire-le. Oh là là. N'aie pas peur. Comme ça, c'est bon. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux le tirer. Bon, enfin, fais ce que tu veux. Michael fait ça. La dernière fois, il l'a eu en main. Oui, enfin bon, normalement, ça devrait bien aller, ouais. Donc voilà, donc Laurence qui était passée hier pour chanter. C'est bien ça, oui. Voilà, Laurence, 20 ans de Paris. Et donc, Toff a dit, eh bien, si tu viens, je chanterai en direct. Et le problème, c'est... Quand il a dit ça, je pensais qu'il voulait faire un duo hier. Ah non, non, mais... Au téléphone et lui ici. Ah oui, non, il voulait que tu viennes en direct. Donc là, t'es en direct, c'est parfait. Tu vas voir, on va chanter, ça va être magnifique. Ah, oh, ça va être... C'est-à-dire que tu n'auras jamais chanté avec un mec qui chante aussi bien. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ça va être ta plus belle prestation de ta vie. Voilà, donc vous deux, vous venez d'Auxerre, c'est ça? C'est ça. Très bien. Et puis Laurence de Paris, bon, bah très bien, parfait. Donc, alors, est-ce que vous êtes impatiente de voir Toff chanter, c'est ce grand talent? Non, trop impatient. Vous avez raison, les filles. Ah oui, c'est clair. Ça va être magistral. Eh ben, ce sera tout à l'heure. On va le faire un peu plus tard pour pas niquer toute l'audience non plus. Oui, je comprends. Hein, ça, c'est quand même mieux au final de bien démarrer. Bon, on va donc appeler maintenant les gens afin que tu déjà les prévenir qu'on change l'heure. Oui, hein, oui. Accessoirement, parce que c'est ce week-end. Et puis surtout que donc Durex a décidé de lancer la Love Hour. Et donc, c'est faire l'amour entre 20h et 21h30 pour économiser l'énergie de la planète. C'est ça. C'est WWF qui proposait de couper tous les appareils électriques pendant une heure. C'est ça. Et donc, comme forcément, les gens ne pourront plus aller sur Internet, regarder la télé, tout ça, voilà. Ils proposent de faire l'amour. Exactement. Donc, on va appeler les premiers maintenant. Là, c'est parti, on y va? Allons-y. Allez, on y va. C'est parti grâce au numéro que vous nous avez envoyé. Sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On aura le canular aussi tout à l'heure, hein, vers minuit, donc restez bien là. Et si vous voulez participer, bah, appelez-nous au standard, hein, n'hésitez pas. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que, samedi soir, c'est la Love Hour, hein, donc entre 20h30 et 21h30. Et je voulais savoir si, pour l'occasion, je pouvais venir vous faire l'amour. Oh! Bah alors! Bon, on rappelle. Honteux. Bah oui, évidemment. Allez hop, c'est reparti. On y retourne chez madame qui a l'air très sympathique, hein, au demeurant. Allez. Oui? Oui, bonsoir monsieur. Oui? Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui, Vous êtes qui? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Comment? Non, je m'appelle Toff. Oui, après? Bah et après en fait comme c'est la Love Hour samedi soir, je voulais savoir si c'était possible de faire l'amour à votre femme. Arrête tes conneries. Mais c'est pas une connerie monsieur, c'est la Love Hour, c'est pour la planète. Ah, ils s'en foutent, hein, de la planète. Attends, ouais, mais c'est dingue, on n'arrivera jamais à la sauver, hein, bon on rappelle. Un peu d'écologie, merde. Mais oui c'est ça. Allez. Je vais vous dire un truc, moi. Oui. Vous avez qu'à vous faire enculer, profond. Oh non, monsieur, pas ben ça. Si, ça va vous faire du bien. Oh non, mais pourquoi... Espèce de pédé. Oh non, monsieur, pas de ça entre nous. Et après, il y a des mecs comme David, bon, malheureusement, on l'a plus au téléphone, qui nous dit que c'est nous qui avons des problèmes et qui sommes... Qu'est-ce qu'il avait dit? Non, pas, il n'a pas dit homophobe, il avait dit qu'on avait des... Les stéréotypes, nous sommes. Les stéréotypes, voilà, c'est ça, sur les gars, alors que pas du tout. C'est même les gens qu'on appelle, en règle générale. Bon, d'ailleurs, on va le rappeler, lui. On vient quand même traiter Toff de PD. Ouais, ça se fait pas. Oui, monsieur, vous êtes pas gentil. Ta gueule, connard, va te faire enculer, profond. Mais monsieur, c'est vraiment pas gentil de me dire ça. Non, vous êtes un enculé. Oh non, monsieur, c'est pas vrai. Vous avez une tontouse. Oh non. Oh le mec. Je suis une tontouse. Hey, t'as vu, David, c'est pas nous, hein. Ouais, je vois ça. Ouais. Ah, quand même, à chaque fois qu'on appelle, c'est surtout quand on appelle en Corse d'ailleurs, hein, que Toff en prend plein la gueule. Hein. Ah, mais il avait une bonne voix de connard, lui. Aïe. Non, tout de suite. Non, mais bon, c'est vrai qu'il avait pas une voix de mec très ouvert, je dois bien l'admettre. Bon, on va récupérer Midi, là. Alors, on appellera d'autres personnes tout à l'heure. Hein. Si vous avez des numéros, envoyez-les sur le mail de Toff dès maintenant. Des numéros de gens aussi sympathiques que ce monsieur. Hein, n'hésitez et pas. Ouvert, surtout. Ah, totalement. toph@funradio.fr. Midi nous avait appelé en début d'émission parce que son pote le drague. Il a déjà dit plusieurs fois que ça l'intéressait pas et que, bah, malgré tout, il continue à le draguer. Bon, du coup, David, toi qui es gay, justement, là, il y a un moment... Imagine que tu vas draguer un mec qui est hétéro, ou alors tu sais pas s'il est gay ou hétéro, mais tu vas quand même tenter ta chance, on sait jamais. Si le mec te dit non, bah écoute moi ça m'intéresse pas, je suis pas gay, tu t'insistes ou tu lâches l'affaire? Non, bah si c'est un pote, que c'est un genre sur le ton de l'humour, moi il y a des potes avec qui je le drague tout le temps, mais ils savent très bien que je fais ça sans rien espérer, quoi. Oui, mais après, voilà, mais c'est ça, tu fais après, ça pour la vanne. Oui, voilà. Après, si ça le dérange, bah, faut qu'il dise clairement à l'autre que c'est malsain et que s'il veut pas perdre son amitié, bah, il faut qu'il arrête, sinon il le verra plus. Mais tu lui as dit, Mehdi, là, clairement, texto, clairement, enfin. Mais t'as faux, je bosse avec lui en plus. Ah, tu bosses avec lui. Mais qu'est-ce qu'il te fait comme avance? Il touche la bite? Non, mais il est un peu spécial, quoi. Il me caresse, j'aime pas ça. Ah, mais attends, mais comment ça, veut pas... Attends, ça veut pas dire qu'il est gay. Moi, je caresse tout le monde, hein. Je caresse Toff et tout, mais ça veut pas dire que je suis gay, quoi. Ouais, mais moi, ça m'excite. Non, mais il est venu me voir, il m'a dit... Il me drague, et je sais, ça se voit. Bon, mais qu'est-ce qu'il te dit, à part caresser? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Hé! Hé! Quoi? Non, rien, c'est une vanne. Vas-y, continue, dis-moi. Il me dit je t'aime. Ah oui, ah bah, non mais... Bah alors? Ouais, sincèrement, écoute, moi je pense que c'est plutôt pour la vanne. Qu'est-ce que t'en penses, David? Non, souvent on fait style que c'est pour la vanne, mais en fait c'est parce qu'il doit vraiment lui plaire. Ah ouais? Comme les meufs. Bon, écoute, Mehdi, dis les choses, hein, mec. Hein. Vas-y, à un moment, tu me dis, écoute, j'ai eu la chose, dommage, je vois, de toute façon... Non mais tu, bah voilà, mais tu lui dis écoute je suis pas gay donc arrête, soit t'arrêtes et tu comprends et on reste potes, soit t'arrêtes pas et on c'est bon, on se parle plus. Vous serrez-vous la bite et vous rester bons amis. Voilà, quoi. Tu serres la bite et puis c'est parfait. Ouais, il faut qu'il aille. Bah ouais, non mais il faut y aller. Bon, tiens-nous au courant Mehdi, on te rappelle. Ouais. Ok. Mais je peux passer une dédicace ou pas? Allez bah vas-y, choisis la bonne personne, à une seule hein. Seule. Comment? Je passe une seule. Ah bah vas-y ouais. Oh bah, je passe une dédicace à un moment que j'adore. Oh, espèce de bouffon, va. Merde, il est gay. Dis donc, David, tu as des stéréotypes, je trouve ça limite. C'est scandaleux. Bon, salut, Mehdi. Ouais. Allez, ciao à toi. Ouais. Merci, David, d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Hein. Merci, bonne soirée. Salut. Eh ben, moi, je dois être le seul mec et puis au monde, je n'ai jamais été dragué par un seul gay. Non. Et alors, mais en fait, ça me dégoûte parce que j'ai l'impression d'être moche. Eh ben attends, mais si vous êtes gay, vous avez envie de choper Polo là, appelez où là, voilà. Draguer. Ouais, attendez, c'est. Non, voilà, 01 42 48 5000. Hein, on étudie là. Oui, ou 02 851 4x0. On va parler des animaux qui font peur dans quelques minutes avec Bastien. Et dimanche après l'émission, on sortira au Queen Polo. Voilà. Allez hop, appelez-nous et puis on va parler des animaux qui font peur. Donc est-ce que vous avez peur d'un animal en particulier? Les filles, est-ce que vous avez peur d'un animal en particulier? Les araignées, ouais. Attends, t'entends mal parce que vous ne parlez pas dans le micro. Les araignées. Les araignées, très bien. Laurence? Je dirais les cafards. Les cafards, ah ouais. Et alors? Les serpents. Les serpents, donc araignées, serpents, cafards, très bien. Et cette bête, et le Toff, ça vous fait pas peur? Regardez comment il est laid. Non? Personne n'a peur, non, ça rigole. Bon, bah, non, d'accord. Ça va, il est mignon. Oh, mais Laurence, t'as de la merde dans les yeux. Oh, me dis pas ça. Non, mais ça, c'est une brésilienne. Ça, quand même. C'est parce qu'elle m'a pas encore entendu chanter, c'est pour ça qu'elle dit ça. Elle pense qu'il a du blé. Peut-être. Bon, il a pas un dollar. Allez, restez sur Fun Radio, on va revenir dans quelques minutes. Avec le son de Pharrell Williams, ça sera Marilyn Monroe. Et donc, dites-nous s'il y a un animal qui vous fait peur en particulier ou plusieurs sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel ou sur le Twitter également. Tapez le hashtag MIKL et puis ajoutez-moi également, tapez MIKL_officiel. Vous m'ajoutez. Je vous ajouterai également. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pour bien comprendre, Mickaël, nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon t'as bardé. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, je vois une photo dans quelques minutes de Beyoncé qui est à Paris. Elle rend la Tour Eiffel encore plus sexy que d'habitude. Oh. Ah oui, vous allez voir, elle touche la tour. C'est mignon. Ah c'est très sympathique. Je vous mets la photo dans quelques secondes sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter et sur l'Instagram. Facebook.com/MIKL officiel. Bah continuez avec vos messages évidemment, vous les balancez maintenant. Et puis on va lire tout ça bien entendu dans quelques secondes. Il y a Kim Jong-un, le président démocratiquement élu à l'unanimité par lui-même, le peuple coréen du Nord. Un sale dictateur de merde. Voilà, qui a eu une nouvelle idée de dictateur. Justement. Étonnant. Rappelons que c'est le mec, alors c'est le seul pays au monde où il y a un réseau. Il y a le. Oui, il y a un réseau GSM. Mais. Il y a que lui qui a un téléphone. Voilà. Il y a que lui qui l'utilise. Et je peux dire que la 4G, elle démonte sa mère là-bas. Ah bah, c'est jamais saturé. Hein. Ah, jamais saturé. Il trace sa race. Et il y a des trains, mais il y a que lui qui le prend. Exactement, voilà. Oui. C'est normal, les autres, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Et il n'y a qu'une seule chaîne de télévision, et c'est lui l'animateur, c'est présentateur de météo, présentateur de tout. C'est le même qui a tué sa femme. Oui, et il a fait tuer sa femme parce qu'elle avait montré un soi-disant, elle était à poil, en fait pas du tout. Ouais, enfin il y avait un poil qui sortait, voilà, c'est ça le truc. Ouais. Et pareil aussi, je crois qu'il avait mis son oncle à donner au chien, non? Il l'a fait tuer pour prendre le pouvoir. Exactement, la folie totale, c'est sympa. Non, un mec sympa. Un mec très gentil, très cordial, vraiment cool. On va l'appeler de temps en temps pour faire des appels. Vraiment, ouais. Et donc il a eu une nouvelle idée, une nouvelle lubie, hein, c'est d'imposer à tous les habitants de Corée du Nord les pauvres, d'avoir la même coupe que lui. Alors, faut voir la gueule, hein. Donc, du coup, on a essayé dans l'équipe tout à l'heure dans le bureau, là. Allez voir le résultat, je vais vous le mettre maintenant. Alors, attendez, je vous le tape là directement en live, là. Hop là, voilà, ça y est, c'est uploadé. Bon, alors, moi, j'ai un peu de mal parce que j'ai trop de cheveux, donc on a eu du mal à faire la photo. Mais Polo, ça lui va comme un gant. Ouais. Sandro, ça va aussi. Et puis, Toff, on dirait qu'il pose vraiment, on dirait Don César, mais avec la coupe de Kim Jong-un. Kim Jong-un. Voilà, on ne pas confondre avec il, bien entendu. Bientôt. Voilà, oui, tout à fait. Donc, voilà, donc, allez voir facebook.com/mikaelofficiel, assez improbable. Hein. Non mais, faut voir. Attends, je vais voir. Bah, allez voir. Les filles, approchez-vous de Polo, là. Laurence, va voir chez Polo. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la nouvelle coupe plutôt magnifique, plutôt sympathique, plutôt. Burke. Désolé, mais Burke. D'accord. Tout le monde. Non, le plus beau, c'est Polo quand même. Ah oui, oui. Polo, ah, ouais. Mais Polo est un dictateur dans l'âme. Hein. Ah, oui, c'est ça, non, il y a un truc. Il y a un petit côté sexy, mais bon. Ah bon ? Chez Polo ? Faudrait faire un mix des quatre. Ouais. Un mix des quatre, très bien. Bah, c'est Sandro qui va être contente. Un mix des quatre, c'est parfait. Tiens. Je like immédiatement tellement on est beau. Ah bah oui, on est tellement beau, effectivement, je le confirme. Bon, bah donc allez voir facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Marin également sur l'application Mikael No Limit qui dit: moi j'ai peur des galinettes cendrées. Salut à toute l'équipe, moi c'est l'inverse de toi. Deux mecs ensemble, pas de soucis. Autant deux filles ensemble, ça me fait trop bizarre, c'est Solène. Ouais, mais c'est parce que t'as une fille, c'est pour ça. Mais oui. Voilà. Il y a Elliot qui dit: j'ai horreur des serpents. Il y a Vive les sodomites sur le Twitter qui dit: mettez moche Polo. C'est vrai. Ça va savoir. Par contre, moi, je n'ai pas peur du tout des chattes. Au contraire, je leur cours après. C'est Filou de Brive dans son camion. Eh ben, salut Filou de Brive. Et Perle également, dédicace à ma sœur Marine, s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'elle vous écoute. Eh ben, on t'embrasse, Marine. Et puis de Richard aussi, dédicace plus message de bienvenue pour le collège Jean Bosco. Il est 3ème 2, s'il te plaît, Mika, passe ça. Eh ben voilà, le message est passé. Je vais même vous mettre un petit message de bienvenue, tiens, à tout le collège. Attends, je vous en choisis un beau là. Hop là, j'ai mis pas mal celui-là. J'ai bien léché la chatte de ta mère, connard. Voilà. Allez, hop, ça y est, ça c'est fait. Donc, on va parler des animaux maintenant avec Bastien qui est avec nous là. Ça va, Bastien ? Bastien ? Ouais. Ouais, Bastien, 20 ans de Nancy. Comment va le Nancy, hein ? Ça va, toi ? Bah, très bien, on va se faire un petit canular aussi dans quelques minutes. Ce sera comme tous les jeudis soirs, hein, aux alentours de minuit. Voilà, ça va débarquer dans quelques minutes. Bon, okay. Alors, Bastien, toi tu voulais parler des animaux, toi ? Quoi ? On t'entend mal, Bastien, faut revenir parce que si tu te barres, on n'entendra plus rien. Allô ? Non, t'es parti, Bastien, là. Reviens, Bastien. Allô ? Non, t'es parti. Non, reviens. T'as dû mettre le kit main libre ou le haut-parleur ou une connerie comme ça ? Allô ? Ouais, non, t'es toujours parti, Bastien. Attends, on va te reprendre après. On parlera des animaux dans quelques instants. Et en attendant, on a Louis ! Louis de Dijon, comment ça va, Louis, 24 ans ? Ça va. Ah, Louis. Le fameux Louis. Ah. Louis qui est vendeur chez Darty, non, c'est pas ça ? Oui, non. Non. Ah bah oui, si ou non ? Non, moi c'est électro-dépôt. Ah oui, électro-dépôt. Ah, électro-dépôt, oui, voilà, c'est vrai. Exactement, oui, tout à fait. Et donc, Louis qui est né en quelle année, Louis ? Comment ? Je dis, Louis qui est né en quelle année ? Oh, mais c'est quand même la fausse, franchement. Oh, le roi de la feinte. Il est bon, Louis, il est bon, j'aime beaucoup. Ah, sacré Louis. Louis qui est donc un doux. Ouais, c'est un doux dans toute sa splendeur. Non ? Un doux, comment ? Bah, doux, un c'est. Hindou ? Non, mais pas un hindou. Louis qui est un doux. Mais il est pas hindou, il est de la douceur. C'est pas, c'est un hindou de la douceur, tu vois. En fait, c'est tous les auditeurs qui ont pas encore mué qu'on appelle les doux. D'accord. Voilà. Bon, mais toi t'as 24 ans, faut peut-être aller consulter maintenant. Hein, ouais. Toujours pas muet. Je pense aussi. Comment ? Je pense aussi. Hein. Bah ouais. Bon, alors Louis, qu'est-ce qui t'amène ? Eh ben, on m'a appelé et j'ai remis ma femme enceinte, donc... Encore ? Putain, mais non, t'es pire qu'un lapin, ma gueule, toi, dis donc. Déjà, tu nous avais appelé il y a pas longtemps pour dire que ta femme était enceinte. Non, c'est juste mon deuxième. Oui, mais c'est déjà pas mal. Bah, attends, c'est déjà pas mal, à 24 ans. Hein. Quel âge il a, le premier ? La première, elle a 2 ans. Elle a 2 ans, ah oui, d'accord, ok. Elle vieillit vite, j'ai l'impression. Ouais, non, mais ça va, et comment elle s'appelle, la petite ? Elle s'appelle Lilia, d'accord, ok, très bien. Bon. Ah, c'est chelou. Ouais. Comment ? C'est marrant parce qu'elle n'est pas le même prénom. C'est ma femme qui l'a choisi. Ah, la prénom chelou, c'est ta femme qui l'a. Et comment elle s'appelle, ta femme ? Lilia. Ah, aussi ? Ouais, tout le monde s'appelle Lilia. Non, Lisa. Ah, Lisa, pardon. Donc, Lisa la mère et la fille. C'est Lisa Junior. Non, c'est Lilia. Ah, Lilia et Lisa. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Oui, oui, ok, j'avais mal compris. Ça peut arriver, tu m'en veux pas. Ah oui, non, je ne veux pas, Michel. Bon, ça va, Louis. Enfin, moi, des fois, je t'appelle Toff, mais t'es pas si conclu. Oh, c'est gentil, Louis. C'est, merci, ça, ça, Louis. Ça me va droit au cœur. Bon, Louis, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est plutôt une bonne nouvelle si t'as mis ta femme enceinte. Hein, bah oui. Ouais, sauf que. En ce moment, ça va plus trop. Et... avec ta femme? J'ai l'impression qu'il y avait un peu de distance. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Là, ça va faire 2 mois, dans pas longtemps. Attends, ça fait 2 mois que vous êtes mariés et ta petite fille a 2 ans? Oh là là. Bah non, on l'avait déjà eu. Ah, tu t'es mariée après? Oui. Post-naissance? Ouais. C'est pas bien ça, un enfant dans le péché. Ah oui, normalement, il faut se marier avant, c'est mieux, hein. Ouais, on... tu peux pas faire ça. Hein? Qui m'a dit que j'avais pas le droit ici? C'est Toff. C'est Toff, mais c'est un connard, tu l'as dit, hein. C'est un connard, de toute façon, je l'aime pas. T'as raison, oui. Moi non plus, je l'aime pas. On va retourner en Corée du Nord. Exactement, oui, on va l'envoyer là-bas chez Kim Jong-un, il est très gentil. Et comment ça se passe, à Electrodépôt? Bah, ça se passe bien. Bon, les collègues sont sympas. Ah, mais c'est qui le plus con là? Dans mes collègues? Ouais. Ouais, dans les collègues. Il y en a un vrai connard? Bah, un vrai connard qui me saoule toute la journée. On va faire une petite cigarette, c'est Jean-Yves. C'est Jean-Yves? Il a un prénom chelou et un prénom. Ah ouais, ouais. Mais est-ce qu'il a une grosse voix lui ou pas? Non, il a une petite voix aiguë, mais. Ah, il a une petite voix? Aiguë, mais. Ça énerve. Louis, t'habites en pavillon ou pas? Comment? T'habites dans un pavillon? Non, dans un petit appart. Ah, c'est un petit appartement, ouais. Bah, et, en plus, il va falloir déménager maintenant, puisque vous allez avoir le petit là, non? Ouais, oui, je pense qu'on va habiter dans un village à côté. Ouais, bah oui, il faut un petit peu s'excentrer, malheureusement. Il y a Julie qui dit lol, le pauvre, 24 ans et c'est encore hindou. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Et il y a Kevin qui dit bonsoir la famille, je vous écoute en ce moment même sur mon lieu de travail. Ah, bah merci Kevin d'écouter, c'est cool. Bon, et donc Louis? Oui. Bon, et du coup, demain tu travailles? Demain, non. Ah, demain, t'as pas cours? Non, mais j'ai chaud de moi, là, ou quoi? Bah non, c'était bien essayé, mais... Non, c'était bien essayé, hein. Donc, demain, c'est ton jour de repos? Ah, ouais. Et tu retravailles quand, la prochaine fois? Bah, je vais travailler samedi après-midi, et après, c'est le lundi, mardi, mercredi, le jeudi, et le vendredi. Ah, le vendredi aussi, mais pas demain? Non, demain, j'ai demandé mon jour. Ah, demain, t'as demandé ton jour. C'est quoi? C'est le RTV? Ouais, à peu près. Ouais, à peu près, ouais, d'accord, ok. Ah non, mais il faut prendre ses RTV tant. Bah, c'est vrai, toujours. Mais bien sûr, évidemment. Alors, je trouve clair. Que nous, on n'a pas assez de RTV. Non, ouais. Non, on n'en a même pas du tout d'ailleurs. C'est scandaleux. Je demande d'ailleurs à la radio des RTV supplémentaires. Ouais. On n'en a pas assez. Effectivement. Michel devrait en avoir, mais Toff ne devrait jamais en avoir. Non, mais il n'y en a pas d'ailleurs, hein, comme ça au moins c'est arrangé, effectivement. Bon, Louis. Oui. Bon, bah écoute, merci d'avoir appelé, d'avoir donné des nouvelles, hein, c'est gentil. De rien. Bon, et tu reviens quand tu veux, Louis, hein. Tu nous rappelles pour le troisième? Ouais, bien sûr. Ouais. Bon. Non, allez. Deux, ça me suffit. Ah, deux, ça suffit, bah, t'as raison. T'as raison. Salut Louis, 24 ans, ciao, hein. J'adore, ciao. Ouais, nous aussi, ma gueule. Et embrasse tes parents. Hein. Ah, mais il est déjà parti. Il est parti, ouais. Il y a son daron qui est arrivé, il a dû raccrocher. Il y a Fabien qui dit Louis, le fake et le mytho de retour. Et Mom également qui dit quel mytho, 24 ans, c'est hindou, il parle comme une petite 15 ans. Et Eliot qui dit le doux qui s'invente une vie. Mais il faut quand même lui laisser, il a une bonne mémoire. Non, ouais, c'est pas mal. C'est parce pas que mal. Tu lui poses des questions, tac, il te répond alors qu'on l'a plus au téléphone depuis un mois. Electrodépôt, j'ai essayé de le choper sur Darty, il s'est pas laissé avoir. Non, ouais, c'est pas mal. Il y a juste le RTV qui l'a foiré. Ouais. Ah bon, on peut pas tout réussir non plus. Hein. Manu qui dit c'est quoi ce mec qui s'invente une vie, mort de rire, le RTV, mort de rire. Bah ouais, c'était pour essayer. Et Abdou qui dit la coupe du dictateur est juste dégueulasse. Ah oui, je confirme, Kim Jong-un, il a pas une tête facile. Hein. Autant aujourd'hui on en profite, mais si on était sur Fun Radio Corée du Nord. Ah, je peux dire qu'on dirait pas pareil. Hein. Non, on serait sur Kim Jong-un Radio. Oui. Hein, et pas fun, hein, c'est sûr, hein, effectivement. Oui. Mais on sera à Pyongyang, là, la capitale, et on ferait pas les malins. On dirait pas, oh putain, l'autre con, là, il a invité un pote à lui, il a bloqué toute la route. Je dirais merci on d'avoir merci, invité. Kim. Et on n'appellerait pas l'Elysée comme ça. Ah, on n'appellerait pas le. Je sais pas comment s'appelle là-bas, le palais le palais présidentiel, ouais. Ouais, le palais dictatorial, non? Non, parce que ce qui est bien, c'est qu'il est persuadé d'avoir été élu par ces gens. Ah oui, c'est ça. À sa demande, mais il a été élu. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, il a été quand même élu, si mes souvenirs sont bons, à 97%. Attends, hein. Enfin, les 3% restants sont décédés aujourd'hui, par hasard, par accident, bête. Mais je pense quoi, qu'il avait été bien élu d'ailleurs. Enfin bon. Abdou qui dit 123 pitbulls sur un de ses ongles pour trahison à la population. Ah oui, c'est ça. Merci Abdou pour l'information. Médis qui dit moi j'ai peur des souris et des rats. Et Jérémy qui dit affreux vos cheveux. Ah bah allez voir. Et je vous ai mis la belle Beyoncé. Est-ce que vous avez vu la belle Beyoncé? Elle est magnifique. Ah oui, qu'est-ce que elle est magnifique. En plus, elle touche la tour Eiffel comme ça là. Ça rend la tour Eiffel magnifique. Combien? Oui, c'est magnifique. Non, il a été élu à 100%. Il n'y a plus que lui qui a voté. Ah oui, bah oui. Qu'on est bête. 100%, improbable. Bah oui, il y a que lui qui a son téléphone, il y a son réseau téléphonique, il y a que lui qui vote. Non, il est bien. Non, mais c'est bien. Ouf parce que tu vois la photo avec lui, t'es en train de mettre son truc, mais il y a personne. Ah oui, mais il y a que lui. À voter. Bah oui, oui, bah voilà, il a voté, hein, ça y est, c'est fait. Bon, retour avec Bastien. On va parler des animaux dans quelques minutes. Bah on va le prendre maintenant. Tiens, il est là. Tiens, de Nancy. Bastien, t'es là? Ouais. Ah bah voilà, on t'entend mieux là. C'est chez nous que ça merdait. Bah oui. Ah bah voilà, bah ça arrive, hein, écoute, voilà, comme ça au moins c'est fait. Bon, maintenant t'es avec nous, Bastien, là. Est-ce que t'as vu la belle photo de Beyoncé que j'ai mis sur le Facebook? Elle est à Paris, là, actuellement. Bah bien sûr. T'as vu comme elle est so sweet? Oh oui, et qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, elle est magnifique. Bon, par contre, Bad Boy est venu avec Jay-Z, hein. Ouais. Ah oui. Tu crois qu'ils vont aller dans un resto comme Amsterdam? Non, c'est pas eux. Ah non, c'est Rihanna. C'est Rihanna et Drake. Bah, ça se trouve, ils vont faire pareil. Non, ils ont l'air d'être un peu plus discrets. Enfin, plus discret. Peut-être c'est des cochons, mais ils le font discrètement. Discrètement, peut-être. Bon, bah tant pis alors. Tant pis pour nous, on va dire. Ouais. Bon, voilà. Allez voir la belle Beyoncé à Paris. Une photo exclusive qui est sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Bon, Bastien, toi, t'as peur de quel animal? Ou quels animaux? Non, mais t'es sérieux, Bastien? Quoi? T'as peur de quels animaux? Hein? La discussion est à sens unique. Bastien. Oui. Tu m'entends? Oui. Tu comprends ce qu'on te dit? Oui. Tu as peur de quels animaux? Des renards. Des renards. Ah ouais? Oui. Mais pourquoi, t'as déjà croisé un renard? Bah oui. Ouais. Et alors, il t'a sauté dessus? Non. Non? Bah plutôt positif alors. Très bien. Pourquoi t'as peur des renards? Bah en gros, c'est très... Renard. Ouais. Est-ce que ça te vient de cette série qui s'appelait Le Renard avant sur France 2? Quelle horreur, hein? Série allemande. Est-ce que ça te vient cette peur de cette série qui passait sur France 2, je crois, avant, qui s'appelait Le Renard? Ça passe toujours, je crois. Ça passe encore? Ouais, bien sûr. Ah putain. Donc c'était une série qui peut faire peur, hein. Enfin qui fait peur d'ailleurs, hein, dans l'absolu, n'ayons pas peur des mots. Une grande série qui fait bien bien peur. Ça ne vient pas de là? Non. Ah, j'aurais essayé, tant pis, c'est dommage. Bon, un autre animal qui te fait peur? Bah en fait, c'est chic. Dis-moi. C'est un renard qui me fait peur. Ouais. C'est un peu compliqué quand même. Ouais. Mais t'as bu ou t'as... T'as picolé là, c'est pas possible. Pardon? T'as picolé là? Non. T'as fumé? Non. Mais alors tu joues à un ni oui ni non ou tu fais un jeu là, c'est pas normal. Bah là, il a perdu depuis longtemps, c'est le nombre de fois où il a dit non là. Bon, alors, et donc t'as vu un renard et puis... Quoi? Et tu as vu un renard et puis... Et en fait... D'accord. Là, nous sommes dans une faille spatio-temporelle. Il faut savoir que lui ne nous entend pas. Il croit qu'il y a un blanc là. Voilà. Bon, ça, on est dans un camping. Ouais. Ouais. Et en fait, on a bu. Il a picolé. Il m'a reproché. Ouais, c'est ça. Il a bu. Il essaye de faire son sérieux. Ouais. Il prépare de la merde. Ouais. On t'écoute. Hein, vas-y. Ok. Et en fait, c'est un renard qui nous a... Dites-nous sur le Facebook, Twitter, si vous trouvez ça chiant. Attaqué. Ouais, oh putain, l'enculé de renard. Donc, hashtag Mickaël, dites-nous attaqué. Si vous trouvez ça lourd. Ouais. Entre guillemets. Non, mais on t'écoute. Oui. Mais il était armé ou pas? Est-ce qu'il avait un fusil à pompe? Je t'entends pas là. Genre, est-ce que ce matin, un renard est... A tué un chasseur, c'était un lapin qui... avait un fusil. Non, c'est pas renard. Ça, c'est c'était pas un ça, renard. C'était... Mais alors... J'étais en train de niquer avec ma copine. Ouais. Et il y a un renard qui nous a attaqué. En gros, d'accord. C'est... Et depuis, t'as peur des renards? Bah... Oui et non. Enfin, voilà. Bah alors, oui ou non? Oui. Oui, bah voilà, tout ça pour ça, il fallait commencer par là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Eh bah voilà, mais là on en saura plus. Ah bah on oui, là. Enfin l'histoire du renard. Ouais. Bah oui, bon. Il y a Mickaël Perrault qui dit il abuse, je crois. Et sérieux, il est complètement perché. C'est possible aussi. Il y a le canular dans quelques minutes. C'est Sullivan qui va s'y coller. Et puis, il y a toujours toutes les photos, notamment Beyoncé en exclu à Paris, à voir sur le Facebook. Et on écoute Pharrell Williams maintenant, Marine Monroe sur Fun. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio là. Allez hop, c'est parti, on est là jusqu'à 2h du mat, on est au cœur de la nuit sans pub. Il y a Elliot qui dit non seulement il est chiant mais en plus excès de mollesse. Ah oui là oui. Et Mickaël Apéro qui dit il a bu je crois. Il y a Emilie aussi. Bastien, oui, non, seul ce sont ses seules réponses. C'est vrai que je pense qu'il était un petit peu éméché, Bastien. Mais bon, on l'embrasse quand même. Charlène également, bonsoir. Qu'est-ce qu'un poil quand il est pas bien? Réponse, il est pubien. Blague de médecine, ça vole pas très haut, bonne soirée. Ah bah merci Charlène de nous avoir d'avoir partagé cette vanne, c'est top. Evan ouais. Également qui dit moi j'ai peur des mouches. Et alors un message Mickaël, salut c'est Youssef de l'Arabie. Est-ce qu'il y a un numéro où je peux appeler à partir de l'Arabie Saoudite? S'il te plaît, je vous adore, merci, j'aimerais vous parler. Bah bien sûr, il suffit de faire le 00331 42 2 48 5000. Voilà, c'est le même numéro mais tu mets 00331 tout simplement, tu nous appelles et puis on te rappelle derrière. Et comme ça te coûte, de toute façon c'est fun qui rack comme ça, on est tranquille, voilà, c'est encore mieux. On va sur le canular avec Sullivan dans quelques minutes, mais avant cela, on va parler évidemment des teubés de la télé. Ah. Et c'est les Marseillais à Rio qui ont encore pu voir que Merili est une vraie relou. Moi j'ai deux mains gauches, moi prendre des commandes c'est pas mon truc, je suis pas du tout senti à l'aise, en plus il faisait chaud, j'aime pas la chaleur, c'est trop chaud, mes cheveux bouclés et tout. Oh, take one. Yes. Just one. Oh, là, tu fais travailler toute seule. Oh là, mais moi j'arrive pas à le porter ça. Moi, porter un sac de 7 kilos, non mais avec des talons de 16 cm, c'est pas possible. Des escaliers comme ça, non. Ah non, elle est pas du tout relou. Hein. Ah non, c'est une meuf très simple, bien. Très cool. Complètement. Et puis dans le mag, on apprend également une nouvelle expression avec Kelly Deschti. Hein. C'est une nouvelle expression, écoutez bien. Voilà, c'est ça, ça dépend des bases. Ouais. Après, je veux dire, voilà, on a vu les danseurs qui y étaient, ça fait des années qu'ils s'entraînent ensemble. Je vais pas me continuer à bébé, on a vu bon. Les danseurs qui y étaient, même, c'est pas français. Non, effectivement, je le confirme. Et pour finir, on a un gros qui manifeste à la Fashion Week, c'est la folie. On n'est plus des gros pigeons. On est venu manifester contre la mode, qu'une mode raciste contre les gens forts. Il n'y a rien pour les gens qui sont gros. Comment un gros sac comme Karl Lagerfeld, qui a pesé plus de 80 quintaux, se permet de faire des vêtements ridicules? Ben oui, comment? Comment ce gros sac? Ben oui, Sullivan dans quelques minutes pour le canular. Et puis on va en profiter pour récupérer Quentin pour refaire un petit coup la colle. Quentin, t'es toujours là? Quentin? Mais non, malheureusement, ouais. Quentin nous a quittés. Non, c'est bon, il est là. Alors Quentin, vas-y, refais péter la colle pour gagner le netbook ce soir. On tire au sort dans une vingtaine de minutes. Alors, qu'est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête? Qu'est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez M. Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS. Alors, il y a Yacine qui proposait une bouteille. Non. C'est un bébé. Non. Ça, c'est Nassim qui proposait ça. La tête de Toff. Non. Non plus. Bon, si vous avez la réponse, vous pouvez jouer aussi si vous le voulez par le Facebook de l'émission. Et là, c'est gratuit. facebook.com/mikl officiel. Il suffit simplement d'aller faire, d'aller répondre à la colle que j'ai postée tout à l'heure sur le Facebook de l'émission. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous gagnerez peut-être le netbook, le tout dernier qu'on met en jeu ce soir. Voilà. Bon. Quentin, je répète encore un coup, qu'est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête? Et si vous avez la réponse et que vous passez à l'antenne, vous gagnez. Et à ce moment-là, Quentin va perdre. Si personne n'a la bonne réponse ou que ça ne décroche pas quand on appelle, eh bien à ce moment-là, c'est Quentin qui gagne. Je te souhaite bonne chance, Quentin. Merci. Avec plaisir. Bouge pas de là, Quentin. On aura Sam également dans quelques minutes de Nancy. Là. Salut, Sam. Salut. Ça va? Ouais, bah écoute, pas trop la banane, mais on fait aller, quoi. Bon, mais qu'est-ce qui va pas? De quoi on va parler dans quelques minutes après le canular avec toi? Déjà, je vais tout d'abord dire... alors moi, j'ai une phobie, c'est les insectes. Ah, quels insectes? Tous? J'ai horreur des insectes. Tout ce qui est insectes, je déteste. D'accord. Et alors, et pour te faire plaisir, vu que tu n'adhères pas trop à, je vais rester poli, à tout ce qui est la force publique, est-ce que tu peux me mettre le jingle de même pas deux secondes? C'est les schtroumpfs, là là là là. De quoi? Ça, ça c'est les Schtroumpfs. Tu veux la musique des Schtroumpfs? Voilà, tu vois. C'est attends, parce que... ah bah t'as de la chance. Voilà. Voilà. Ah, par rapport au fait qu'il soit bleu? Ouais, non, c'est surtout vis-à-vis de ce que tu disais, tu vois, comme quoi apparemment Paris ça a été bouché chez vous et tout, ça a été la merde. Ah mais c'était au-delà de bouché, hein. D'habitude c'est bouché. Voilà. Ouais. Bah, c'était fermé. Et bah c'était une petite dédicace pour ta part. Ah bah écoute, je te remercie, c'est bien urbain de ta part, Sam. Voilà, et donc en fait moi j'appelais pour un gros souci. Ouais. C'est que bah moi je suis chemeau et bon, je suis resté 3 ans avec une attends, femme. C'est quoi chemeau? Il est moche en fait, ça sert à rien de faire du verlan. Voilà. Ouais, okay. Non mais parce que tu vois, je croyais on dit chum. C'est pour ça que d'habitude tu dis ouais je suis chum, bon bah pourquoi pas. Mais chemeau, j'avais pas compris. Je croyais chameau, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Ouais, c'est peut-être ancien alors, mais bon, bref, c'est pas grave. Bref, alors, voilà, on n'est pas une émission de. On fait pas du faux jeunisme comme sur certaines radios, donc c'est pour okay, ça qu'on n'a pas tout compris. Bah ça marche. Mais si tu parles comme ça, moi j'ai pas de problème avec ça. Bon bref, alors donc t'as pas un physique facile. Voilà, exactement. Et donc je suis resté 3 ans avec elle. Ouais. Et elle s'est remise avec quelqu'un de 10 ans de plus que moi, quoi. Donc j'ai pris une grande claque dans la gueule, quoi. Et quel âge elle avait, elle? 20 ans. À l'époque, quand je l'ai connue, j'ai 18 ans. Ouais. Et donc là, elle en a 20 peut-être, un truc comme ça. D'accord. Même 20 et quelques, quoi. Et elle s'est mise avec un gars de 30 balais. Voilà. Ben oui, mais les mecs de 30 balais sont plus mûrs. Sont plus beaux. Ah mais c'est même mais en fait à l'époque quand j'ai eu avec elle, bon bah les premières années, il est vrai que je bossais pas, j'étais un peu le on va dire le son enfant. Le mec qui, non pas ça, mais le mec qui s'en foutait, qui disait oui j'ai pas besoin de ça. Ah oui, mais t'étais aux études, c'est normal. Non, c'était même pas ça, c'était juste une impression que j'étais. C'était plus le chien là, donc. Comment il s'appelle? Lucky. D'accord, ok, très bien. Bon, voilà. Alors vas-y, continue. Non, la gueule, Lucky, là où je fais débarquer les autres clubs là. Non mais voilà. Dis donc, y a pas nous casser les couilles. Donc pour finir, non, c'était en fait. Non, repassez plus tard s'il vous plaît. Voilà. Excusez-moi. Mais je t'en prie, écoute avec plaisir. Attends, je vais répondre parce que ça toque énormément. Vas-y. 2 minutes. Putain. Ah, il est relou là. Hein. Il est relou. Ça y est, il est sorti de qui? D'accord. Alors les voisins se plaignent parce que je parle à haute voix. Ah, et ils se plaignent pas du chien qui gueule, mais par contre de toi non. Qui parle, ouais. Oui. Ah, ils sont bizarres. Alors, tes voisins. Hein. Ouais, ils sont très très bizarres. Ouais. Bref, donc pour finir mon histoire, en fait, dans les toutes premières années que j'étais avec elle, ouais. Je me suis dit, bon bah voilà, je suis chez ses parents, je ne paye rien, après tout c'est la vie d'elle, c'est la. Ah, t'habitais chez ses vieux? Ouais. Parce oh, ça va, tu t'es mis bien toi, mon cochon, hein? Non, attends, j'étais en foyer avant. Ah ouais, d'accord, ouais, bon, enfin bon, tu t'es quand même mis bien en habitant chez Daron, quoi. Ouais, d'accord, mais pendant un an, je l'ai vu comme ça. Attends, je parle doucement. Ouais, parle doucement. J'ai vécu comme ça pendant un an, c'est-à-dire à la cool. Et puis, bon, il y a un jour auquel tu te dis, bon, bah écoute, garçon, c'est bien que tu bouges le cul, quoi. Ouais. Et tu sais que j'ai l'impression que tu t'étales un peu parce que je n'ai rien compris à ton histoire. Je sais que t'es sorti avec une meuf qui était plus âgée que toi. Je sais qu'elle s'est barrée maintenant, mais je n'ai pas compris le problème. Tu veux la récupérer? Tu veux te venger? Tu veux quoi? Je veux la récupérer. D'accord. Bah voilà, parce que j'ai pas tout compris en fait. J'ai l'impression que tu te perdais un petit peu dans l'histoire. Non, je l'ai récupéré, mais le problème c'est que, comme tu as dit tout à l'heure, voilà, le type est vieux. Ça n'a rien à voir, je pense. Non, laisse-moi finir, je pense qu'en fait tu l'as saoulé en fait. Non, mais arrête de dire non. Il a la voiture. Mais ça n'a rien à voir, tu l'as saoulé. Si, peut-être. Attends, t'as des meufs qui effectivement, il y a un mec qui a une voiture, elles vont pas chercher plus loin. Attends, moi je travaille, j'ai une autre équipe, les meufs elles se barrent quand même. Oui, mais c'est normal, tu viens de le dire effectivement. Bon, reste avec nous, on va en parler dans quelques minutes, Sam, d'accord? marche. Bon, reste là. Si vous avez des conseils à filer à Sam, est-ce que vous êtes déjà sorti avec des garçons, avec des filles qui étaient plus âgées et qui à un moment se sont barrés pour des encore plus vieux? Voilà, venez nous en parler. Appelez-nous maintenant 01 42 48 5000. Vous appelez le standard. Depuis la Belgique, c'est le 02 851 4x0. Ça vous est déjà arrivé, les filles, puisqu'on est ici avec nous dans le studio là, mesdemoiselles? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Dans le micro, parlez bien dans le micro, dedans, voilà, voilà, voilà. Non, jamais. Jamais? C'est quoi le mec le plus vieux avec lequel t'es sorti? 70 ans. Et il était blindé et j'ai gardé l'appartement viagé. Voilà. Je l'ai assassiné, mais ça faut pas le dire à l'antenne. Non, quel âge? Bon, déjà, t'as quel âge toi? 23. 23 et il avait? 25, 26. Ah ouais, oh, ça va. Ah oui, ça va. Oh là là, gros, dans les villes. C'est même pas une différence d'âge, ça. Ah ouais, grosse différence d'âge. Ah oui, et toi? Bah moi c'est pire, il y avait que 6 mois de différence. Ah ouais, mais t'as eu qu'un mec dans ta vie d'âge. Ou comment ça se passe? Non, même pas. Non, mais j'ai demandé la plus grande différence d'âge. Ah oui, d'accord. Ah ouais, 6 mois c'est dur. Et j'en ai eu. Et t'as quel âge? Mais tous de ton âge. Ouais. D'accord. Et t'as quel âge? J'ai 22. 22, donc 6 mois. Et alors Laurence Dubrezio? Alors j'ai 20 ans, j'en avais 17 à l'époque et lui 26. 62. Ah ouais, ah bah voilà, très bravo, bien. Bah, 10, ah ouais, voilà, parce que 10 ouais. Eh bah ça c'est comme Sam, très bien. D'ailleurs il s'appelait Mika, enfin il s'appelle toujours Mika. Ah ouais, ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est meilleur. Bah, je croyais que t'allais dire ouais, mais il s'appelait, il est mort depuis. Oui, c'est ça, j'ai dit merde. Et qui, pourquoi ça s'est fini? Tu t'es barré parce qu'il avait pas de voiture? Non, il avait une caisse. Mais quoi comme voiture? Une R5? Je sais pas. Verte. Ce que c'était, mais une voiture quoi. Bah une voiture bien ou une voiture merde? Une voiture de merde, je crois qu'il écoute en plus. Ah ouais, ah bah parfait, tu veux qu'on l'appelle? Et donc t'es parti pour un mec qui avait une voiture mieux? Non, même pas. Ah bon? Même pas. Alors ça c'est improbable. C'est incompréhensible. Ah ouais, ça c'est incroyable. C'était pas ça le problème. Ah c'était pas ça le problème, quoi, il était précoce? Ah non. Ah je sais pas, je sais trouver. Non mais non, je vais pas raconter ma vie. Mais si, vas-y, vas-y, nous on est là, t'inquiète et tout. On est à la cool, il est minuit 20 là, pépère, en plus tu vas chanter une chanson avec Tov dans quelques minutes, ça va être la folie. Parce que c'est ça, ça va être un traumatisme pour toi dans ta vie, donc c'est le moment si tu veux raconter des trucs. Ça va être un traumatisme, donc il était pas précoce? Non du tout. Ah d'accord, ok, bon bah tant pis, alors c'est pas grave. Bon mec en plus. Et quoi, bon mec? Ouais. Ah beau mec? Ouais. Ah beau mec, bah oui, mais il s'appelait Mickaël, c'est normal. Allô, salut Mickaël. Salut Mansour, ça va? Ça va, forme? Ah bah très bien, et toi? Ouais, tranquille, ça va. Bon, ouais, très bien. C'est bizarre qu'ils nous entendent s'il est en dessous. C'est drôle, ça. Hop là, une minute. Mais une minute suppression d'antenne pendant une minute de Tof, voilà. Alors, Mansour, donc toi, tu voulais donner ton avis par rapport aux animaux, là. Ouais, aux animaux, ouais. Mansour, mais pas muet. Hop là, une minute aussi. Pour les deux, tiens, hop là, on est plus qu'à deux là maintenant, tiens, Mansour, voilà. Ok, y'a pas de problème. Voilà. Bon, alors, vas-y, dis-moi, c'est quoi, t'as peur de quel animal? C'est pas que j'ai peur, c'est le lapin, il m'insupporte. Le lapin, pourquoi? Comme ça. Quand j'étais petit, bon, je choquais. Un lapin, mais c'est gentil un lapin, c'est là sur le bord des routes et tout, c'est tranquille, ça saute. Il faut pas dire. De quoi? Tu connais un peu la grande motte? De quoi? La grande motte. La grande motte? Ouais. Bah oui, bien sûr, ouais. Sur la grande motte, direction Dunel. Ouais. Entre la grande motte et Dunel, on a un chemin, ça s'appelle le chemin de lapin. Ouais. Je kiffe passer par là. Pourquoi? Parce que tu les écrases? Je les écrase tous. Oh, t'es un enculé, Mansour, là. Non, mais ça se fait pas, le pauvre lapin, il a rien demandé à personne, le lapin, là. Mais ah, oui. Et quand il mord, hein. Bah, il mord, mais c'est parce que tu l'emmerdes, il va pas venir te mordre gratos. C'est comme les araignées, hein. La majeure partie du temps, l'araignée a plus peur que vous, hein, donc... Ouais, non, mais je kiffe. Bah oui, mais tu kiffes peut-être, mais... Ah, ça y est, sans retour. Ah, voilà, ça y est, la punition est passée. Donc ouais, mais peut-être que tu sais, le lapin il a probablement plus peur que toi, hein. C'est bon. Ah, il est ouais. Si, alors qu'il pousse pas sur le bout de son gueule. Quand j'étais petit, il m'a choqué. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quand j'étais petit, mon père il kiffe le lapin. Ouais. Il kiffe le belge. Ah oui, bah, il a raison. Ça c'est différent, ça encore. Ah, moi je déteste, mais franchement je déteste. Mais j'aime pas trop non plus le lapin, moi. Ah ouais, tu mets un truc de malade. Et mon père il a ramené plein. Et moi je m'amuse avec, et il mordait. Bah oui, mais c'est normal. Il faisait chier. Attends, et joue avec un chien, si tu l'emmerdes, il va te mordre, c'est normal. Avec un chien, ouais. Il va te griffer, il va peut-être te mordre aussi. Mais c'est normal si tu l'emmerdes. Ouais, je suis d'accord, mais après moi je l'emmerdais pas, je la caressais. Bah oui, mais bon, tu le caressais en mode je l'emmerde quand même, hein. Ouais, oui, voilà, mais oui, mais c'est ça, je le savais, tiens. Bon, bah merci Mansour de la petite histoire du lapin là. Ok, je te remercie. Et tu reviens quand tu veux. C'est pas sympa d'avoir tué papa. À bientôt, ta gueule. Voilà, mais je croyais qu'il est... En fait, c'était l'automatisme du ta gueule, je pensais qu'il allait refaire une vanne sur Mansour. Mais non, non, je voulais juste dire que c'était mal d'avoir tué Pampan. Voilà, c'est ça. Ah, normal, triste. Normal. Bon, ah, salut Mansour, ciao à toi. Okay, Mansour, avec le lapin, Mansourdine. Non, Mansour Barami. Ah bah voilà, oh putain. Mais pas Mansour Barami. Non. On n'est pas dans la merde. Bon, allez, salut Mansour. Allez, ciao, ciao, ciao. Ciao à toi, bye bye. On va parler des différences d'âge avec notre ami Sam dans quelques minutes de Nancy, donc qui veut récupérer sa meuf, mais bah forcément déjà lui se trouve moche et surtout elle s'est barrée avec un mec plus âgé qui avait apparemment plus de richesse, dirons-nous. Jérémy qui voulait réagir par rapport aux villes bloquées, et puis je vous invite toujours à aller voir notre nouvelle photo. On est tous les quatre en mode nouvelle coupe Kim Jong-un. Hein. Ah, c'est ouais. Le dictateur donc en Corée du Nord qui a décidé d'imposer à tout son peuple eh bien d'avoir la même coupe de cheveux que lui, qui en plus une coupe dégueulasse, il faut quand même le savoir. Oui, c'est enfin, très très moche. Quand même pas la coupe la plus déchire, qui celle qui déchire le plus. Donc allez voir facebook.com/MIKL officiel, et puis c'est Sullivan juste après pour le canular. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe. Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, il est minuit 23 sur Fun Radio. Il y aura les appels de Toff qui vont en débarquer dans quelques minutes. Et puis le son d'Eric Arborès maintenant, c'est Get Ready sur Fun. Le son d'Eric Arborès sur Fun Radio. À l'instant, c'était Get Ready, il est minuit 26. Bienvenue sur Fun. Si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Et on est ensemble évidemment jusqu'à 2h du mat, comme tous les soirs de 23h à 2h. D'ailleurs, si on vous appelle et qu'on vous demande quelle radio vous écoutez, répondez évidemment Fun Radio. Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h, Mickaël No Limit. Le dimanche également, dites que vous êtes là de 20h à minuit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Y a Arnaud qui dit: je vous écoute depuis le taf et depuis le début, vous êtes vraiment tous géniaux. Merci à vous de me permettre de bosser dans la bonne humeur. Sinon, dans une émission, vous avez dit que vous alliez venir prochainement à Épinal. C'est quand? Bise à toute l'équipe. Ouais, Arnaud, c'est le 14 juin. Voilà, 14 ah oui, juin. On a le temps. Ouais, on a le temps. Je lui ai dit qu'on avait le temps. Mais au moins, voilà, c'est fait. 14 juin, on va venir faire une petite soirée au temple à Épinal avec vous. On aura l'occasion aussi de faire un battle avec Polo. On va essayer de trouver encore un laser game pour qu'il puisse monter un peu en level. Puisque je rappelle qu'au Havre, il a terminé bon dernier hein, avec oui, tous les bravo. Auditeurs. Ah ouais, 300. Ouais. Je devais des points là. Ah, ils devaient des points au laser game. Mais c'est parce qu'ils ont triché. Oui, ça doit être ça. Bon, allez, on sera à Épinal le 14 juin. On aura l'occasion de vous en reparler évidemment. Et puis, bah, le canular du jeudi maintenant, c'est avec notre ami Sullivan qui est avec nous. Salut Sullivan. Salut Mickaël, ça comment va? Comment ça va et toi? Salut. Ça va. Salut tout le monde. Bon. Alors Sullivan, t'appelles de Braine-l'Alleud, toi, tout près de Bruxelles. Et nous allons. Ouais, là, je suis à Bruxelles plutôt, je suis à la Là, t'es à Bruxelles, d'accord, ok. Et on va faire le canular. Bon, alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être quoi l'histoire? Explique-nous tout. Ben, je vais dire à ma mère, comme quoi j'ai mis enceinte ma petite copine. Ouais. Et que je vais vivre avec elle en Allemagne. Normal. Elle est allemande? Non, mais elle habite à Sinem, mais elle va bientôt déménager en Allemagne. Ah, d'accord. Pourquoi elle va déménager? Pour le boulot ou les études? Non, disons que c'est son père, pour l'instant elle vit encore avec son père, c'est son père qui a trouvé une copine en Allemagne. Enfin, ah oui, d'accord, ok, putain, donc du coup elle doit suivre, parfait. Quel âge elle a, elle? Voilà. Elle a 17 ans. 17 ans, et toi t'en as 17 aussi, très bien. Oui, je vais en avoir bientôt 18. Parfait, donc on va appeler ta mère, tu veux lui faire croire que tu l'as mise en cloque, et que du coup bah, ouais. tu veux te barrer, tu vas habiter là-bas avec elle, machin, tout ça. Ouais. Que t'abandonnes l'école. Quoi. Non, oui, normal, voilà, c'est ça, que t'abandonnes l'école, etc., etc. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça fait à peu près 4 mois. Ah ouais, donc tu n'aurais pas perdu de temps. D'accord, ok, très bien. Et elle s'appelle comment, tu m'as dit? Chloé. Ok, bon, eh ben écoute, ça me paraît pas mal, ça. Hein. Bon, mais en plus, ouais. Si tu nous as dit que t'étais à l'internat aussi, donc c'est parfait. Ouais. Donc on va jouer les potes, hein. Il y aura Michel, bien évidemment. Au besoin, il y aura d'autres casse-couilles, hein. Polo, Toff, tout ça, ouais, même Sandro, bien sûr, au besoin hein. Également. Ah non, mais non, Sandro ne peut pas. Au plus, que... il y en a, au mieux c'est. Ouais, mais oui, Sandro ne peut pas, elle est en cloque. Eh ben non, c'est. Non, bah oui, non, t'as pas compris, c'est pas Sandro qui est en cloque. C'est que dans l'internat, c'est garçon-fils et c'est pareil. Ah oui, pardon. Donc là, normalement. Non, à l'internat, c'est garçon-garçon. Ouais, oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais, oui, enfin, garçon-fille, c'est séparé. Ouais. C'est séparé, c'est ça que j'ai dit, ouais. Bon, eh ben écoute, c'est pas très grave. On va y aller, on y va, on attaque. Plus elle s'énerve, plus t'as de chance d'en partir avec le casque offert par Solovante. Et on va donc y aller, c'est parti. Casque DJ donc. Et comment s'appelle ta mère juste avant d'appeler? Sandra. Allez, c'est parti, on y va. Plus elle s'énerve rapidement d'habitude ou pas?

je vais aller vivre avec. C'est ça. Oui. Ils sont obligés d'assumer. Ben, maman, c'est logique. C'est logique. Oui, c'est conjugal, ça. Non, maman. Ça veut dire que tu prends même pas de moyens de contraception, que tu couches avec, rien. Et tu... Maman, c'est normal, quoi. Elle m'avait dit qu'on connaissait la cellule, mais elle m'a pas vraiment, t'es bonne, c'est toi. Hé hey rien. Tiens, attends, je t'ai... rien. Hé hey hey, je t'ai pas fait attention, tu vas avoir 18 ans, t'as même pas encore 18 ans, t'as bien vu. Hé hey. Bah, et toi, Vanessa. Hé, hé, hé, hé, je t'ai mis la calette. Vanessa l'a fait pour une raison médicale, au cas où tu l'aurais oublié, Sullivan. Hé hey. Dis-moi, t'as pas un verre, là, qui traîne? Ouais, mais... On en parlera vendredi parce que sinon moi j'arrive et je lui défonce la gueule à ce gamin là. Oh merde! Eh, j'ai fait tomber le verre! Et puis là, celui-là qui dit tu veux un joint ou je sais pas tout quoi, toi tu dis oui? Eh franchement, tu crois quoi? Eh, eh, elle m'a merci ou pas? Eh, je peux lui parler? Eh! Oui, bah pas avec les joints, t'as dit que t'as pas 18 ans. Allô? Allô? Ah putain! Ah, tu lui plais pas, tu lui plais pas. Ah Mickaël, oui, non, là, elle veut pas. Là, je confirme. Bon, on va la rappeler, on va dire c'est une connerie, hein, Sullivan. Elle a eu du mal à, elle a du mal à démarrer, mais je pense qu'elle a dû passer une sale journée, en fait, je pense, hein, ou une sale semaine, enfin, je ouais, sais pas, mais. Ouais, c'est à peu près ça, en fait. Ouais, je pense que c'est les mêmes jours. Ouais, ouais, je pense, ouais, il y a peut-être les règles, je sais pas. Bon, écoute, je vais te dire de la rappeler toi, puisque moi, dès qu'elle entend ma voix, de toute façon, elle raccroche, donc. Elle raccroche au nez, ouais. Voilà, ça c'est ça. Bon, donc, on la rappelle, hein. Et ouais. Je pense que même quand on va lui dire que c'est fun, je pense que ça va gueuler quand même. Ouais, elle risque pas d'aimer. Ah oui, oui, je vais faire tuer. Ah oui, là, il y a des chances, ouais. Bon, allez, on la rappelle, on la rappelle. Bon, bah, je te laisse parler. Hein. Ouais. Ouais, maman. Oui. Bon, la dernière nouvelle est que... Console-toi, tout ce que je viens de te dire, c'est une blague, tu passes sur Fun Radio, c'est le canular, sur Mickaël. La prochaine fois, tu fais tes canulars avec tes copains, pas avec moi, ok? Et tu le sens, en plus que j'avais prévu de faire un canular, mais je t'avais pas dit à qui. Ah bah bravo, en plus tu lui avais dit que c'était que t'allais lui en faire un, bah bravo. Oui, non, mais non, j'ai pas dit que j'allais lui en faire un. Oh, ouais. Il voulait faire un canular à un ami à lui. Ah d'accord, ok. Et du coup, il a choisi maman. Ouais. Ah bah voilà. Bon, en même temps, on sort. C'est vous le gamin derrière qui me fait chier là, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais deux fois. C'est lui. Ah, il s'appelle Mickaël. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, bah, à la base, c'est Michel, mais c'est pas grave. Mais oui, vous êtes deux fois. Chiant, hein. Ah, oui, je sais, ouais. Mais deux fois, vous raccrochez au nez quand même, maman. C'est... Non, non, mais je veux personne au téléphone. Quand il m'explique des problèmes, non. Franchement, non. Ah, pourtant, j'étais un bon pote. C'est moi qui lui avais dit d'appeler, tout ça et tout. Ça aurait pu être sympa. Ah, oui, un bon pote, mais qui énerve de l'autre côté. Donc, oui, non, oui, non, oui, non, oui, pas c'est un bon pote. T'as pas le concept, et en plus, effectivement. Il parle un joint, quoi. Bah, chez non. Nous, un joint, non. Non, mais il est à l'internat, c'est un internat sérieux. C'est un internat sérieux, évidemment. Bon, bah alors, maman, on va vous souhaiter une bonne soirée quand même. Hein. Allez, ouais, bon, au moins maintenant, c'est. Vous êtes tous les enfoirés. Oui, je sais, oui, c'est nous aussi, on vous aime. Allez, bonne soirée, Sandra. Merci, au revoir. Bon, et puis on va te filer le casque avec le téléphone de l'internat. Hein. Ouais, voilà, ouais. Ouais, okay. Fais donc plutôt ça. Ouais. Et Sullivan, on va te filer le casque DJ comme promis, c'est offert par son novembre, d'accord? Ah, nickel, merci. Salut Sullivan, ciao à toi, à bientôt. Salut. Bon, et si vous voulez aussi faire un canular, n'hésitez pas, hein, vous pouvez appeler, on remet le couvert, bien entendu. Et puis on a offert le casque DJ à l'occasion du salon Mix Move Discom. C'est le 6, 7 et 8 avril à Paris, Port de Versailles. Et donc on vous offre des casques DJ avec sonovent.com. Donc bah bravo encore à toi, Sullivan. Les autres, eh ben, on remet le couvert la semaine prochaine. Avec d'autres canulars, hein, 01 42 48 5000 pour vous inscrire et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Andreas qui dit mort de rire, la mère s'est énervée doucement mais sûrement. Oui, ah bah c'est sûr. Hein. Julie, j'adore la pauvre apprendre à la nouvelle comme ça, minute 37, c'est sérieux, c'est la pauvre et vive les sodomites sur le Twitter. Mort de rire, je vais lui défoncer sa gueule. Oui, elle a voulu vraiment me faire mal. Sophie également, pauvre maman, mais elle s'énerve. Et Sabrina qui dit la pauvre mère, mais je suis quand même obligé de rire. Et GTR qui dit Mickaël, elle a qu'une parole, elle te raccroche au nez comme ça. Oui? Effectivement, elle a dit qu'elle le ferait et je confirme, elle l'a fait. Bon, Laurence, souvenez-vous qui était passée hier soir dans l'émission 20 ans de Paris, qui était chanteuse, etc. etc. C'est bien ça. Ouais. Voilà. Et donc qui avait voulu, enfin j'avais proposé à Toff de chanter, et puis il a dit, oui, bien, si elle vient dans le studio, je chante. Mais oui. Bon, pas de bol, elle est là. Le défi. Non, et bah pas oui, mal. Je suis là. Je chante, tout est relatif. Oui, bah tout est relatif peut-être, mais bon, elle est là quand même. Hein, oui, elle est là, elle est, ouais, là, elle est là. Elle est là quand même. On va faire ça dans quelques minutes. Ah d'accord, on attend un peu. Ouais, on attend un peu. On attend aussi, je vais faire des vocalises. Je vais t'aider. Ouais, bah, oh là là là. Oh putain, quelle angoisse. Oh le bouffon, c'est quoi ça? Mais t'as vu avec ma chérie. Est-ce que, ouais, t'as des conseils à lui donner pour pas qu'il se casse la belle voix, sa belle voix? Déjà, il faut pas fumer. Ouais, non, ça va. Faut pas boire d'alcool. Ça va moins bien. Il faut pas passer d'une température trop élevée, ouais, trop froide, enfin bref, voilà, un écart trop important. Je mettrai ma petite écharpe. Voilà, c'est ça. Non, mais là avant qu'il commence à chanter, là, est-ce que t'as un conseil? Vocalise. Ouais. Vocalise. Ah, vas-y donc. Quel organe. Quel organe. C'est pas souvent qu'on me dit ça. Ah oui, bah profites-en bien. Bon, allez, retour avec Louis qui voulait parler des animaux. Steven et Marilyn qui vont réagir à Sam qui veut récupérer sa meuf, mais elle s'est barrée avec un autre, un plus âgé a priori. Daniel également pour parler des animaux. Et puis on aura aussi la réponse avec la colle de Quentin, les appels de Toff, la chanson avec Toff et Laurence. Et puis on va s'écouter maintenant. On va chiller, tiens, tranquillement pendant que Toff va chier. Évidemment, c'est Route 94 qu'on écoute maintenant sur Fun Radio avec My Love. Continue avec tous vos messages qui arrivent d'ailleurs avec le hashtag Mickaël sur le Twitter ou sur le Facebook de l'émission. Tapez M-I-K-L officiel pour venir nous rejoindre. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, il y a Alexandre qui dit je suis nouveau là, je kiffe les messages de bienvenue. Est-ce que tu peux m'en mettre un s'il te plaît? Au passage, un pack fun, ce serait cool. Continue, c'est de la balle ce que vous faites. Merci Alex. Bah, pour les packs, faut demander à sandro@funradio.fr. Tu mets tes coordonnées dedans et puis on va t'envoyer ça. Et alors, message de bienvenue, oui, je peux t'en mettre un. Attends. Ah bah, tu te le mets dans l'anus. Eh ben voilà, dans l'absolu. Voilà, il y a Abdou également qui a envoyé son message. Si Toff ne chante pas, je lui fais un gâteau rien que pour lui. Ouais, c'est ça. Et Tangu masqué chantera à sa place, promis. Il y a Terry également. Mickaël, t'es doué pour blaser les gens avec ta voix de fonte. De fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Voix de fond. Une Terry, voix de fond. Quand tu fais détail. Ah, peut-être. Ah oui, pour faire chier les gens. Oui, ça, je suis très doué là-dedans, Terry. Miss Vilaine également. Je viens d'arriver. Un petit coup de pelle à Toff. Bah, bien sûr. Voilà. Et alors également Maria qui dit j'ai adoré le canular à l'instant. Bah, c'est cool, Maria, nos limites. Émilie également, super le canular, ce genre de nouvelles, ça fait toujours craquer. Ah bah c'est clair. Et puis Chloé également, 6 ans d'écart avec mon copain. Bah, en parlant d'écart, on va en parler dans quelques minutes. Mais avant de faire la chanson, ah oui, on est en retard là. Il y a Quentin également qui veut repartir avec son netbook, Quentin. Ouais. Donc on va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante éventuelle. Si la personne qu'on appelle décroche et répond correctement à la question, elle gagne, tu perds. Si elle ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise comme hier soir, c'est toi qui gagne, Quentin, le netbook. Ça s'annonce plutôt pas mal, Quentin, pour toi là. Plutôt pas mal du tout. Allô? Allô? Oui. Salut, c'est Mickaël, comment tu t'appelles? Cédric. Héloïse. Cédric. Ah, Cédric, j'ai rien compris, moi. Attends, je vais m'en mettre une. Voilà. Bon, alors, Cédric, dommage, hein, Quentin, putain, sur le fil. Hein. Bon, ouais. Quentin, fais péter la colle, hein. Cédric, écoute bien la colle. Si tu as la bonne réponse, tu repars avec le netbook. Vas-y, Quentin. Alors, qu'est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête? Qu'est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête, Cédric? Un robinet. Ouais. Oh ouais, c'est ça, c'est bravo, ça. Cédric. Voilà. Eh ben voilà, le netbook est pour toi. Putain, Quentin, à une sonnerie, c'était le répondeur, je parie. Ouais. Ah ouais. Ah ben c'est content chez Cédric, apparemment. Cédric, t'es dans quelle ville? Là, je suis chez un collègue, là. Mais t'es dans quelle ville? Dans quel coin? Là, je suis à Bondy. D'accord, ok. Et c'est tout près de où? 93. Bah ouais, c'est dans le 93. C'est là, ouais, d'accord, dans banlieue. Ah bah, très bien, ouais. Bah, c'est pas loin. Parfait. Bon bah Cédric, bravo à toi, le netbook, on va te l'envoyer rapidement. Et puis bah Quentin, malheureusement, tu reviens quand tu veux, hein. Ouais. Bon, salut Quentin. Salut Mickaël. Salut Cédric, à bientôt, hein. Allez, salut, ouais, ciao. Ciao à toi, il reste fidèle à Fun. Marilyn et Steven dans quelques minutes. Marilyn, t'es là? Oui. Ça va bien, Marilyn? Oui, ça va. Bon, alors toi tu voulais réagir dans quelques minutes au sujet de Sam là qui veut récupérer sa meuf, elle s'est barrée avec un plus vieux, etc. Mais avant toute chose, est-ce que tu aimes la musique, Marilyn? Oui. Est-ce que tu aimes la grande musique, Marilyn? Oui. Voilà. C'est quoi ton artiste préféré, par exemple? Mon artiste préféré. Ou ton chanteur, ta chanteuse, ton groupe éventuellement? Mais j'ai le même problème, ouais, c'est vrai, quand on me pose la question, je ne sais pas quoi répondre. J'en ai tellement que j'aime bien, que je ne sais pas lequel dire. Je ne sais pas si j'en ai un préféré. Ah, il y a un truc que t'écoutes plus souvent. Britney Spears, moi. Eh ben voilà, tu Britney vois. Spears, bah Britney Spears, très bien. Eh bien là, on a Laurence, donc c'est une auditrice qui est passée à l'antenne hier soir. T'as écouté l'émission hier ou pas? Non. Ah, dommage. Donc Laurence qui est passée, qui voulait chanter, qui a chanté à l'antenne, qui a, chanté, qui a bien chanté d'ailleurs à l'antenne. Merci. Et du coup, ben, on a dit à Tof de chanter avec. Elle a dit ouais, eh bien je chanterai si elle vient dans les studios. Il a fait la salope, Tof. Voilà. Oui, donc, manque de peau pour lui. Elle est donc avec nous. Et Marilyn, est-ce que tu penses que Laurence ou Tof va mieux chanter? Lequel des deux? Ah, choix très difficile. Hein, ah, très difficile. Moi aussi, je saurais pas quoi répondre. C'est clair. Pas du tout. Bah, dis à Ozan, regarde, t'as une chance sur deux, donc. Laurence. Laurence va mieux chanter. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Ouais, attends, on va quand même demander à Steven également de Bourges. Là, salut Steven. Salut Mika. Ça va? Salut toute l'équipe, ça va très bien. Bon, alors avant que tes oreilles saignent, tu crois que tes oreilles vont saigner à cause de Laurence ou de Tof? À cause de Tof, je pense. À cause de Tof, d'accord. Alors reste encore avec deux nous. Points pour moi. Il y a Louis également qui est avec nous. Tu peux avoir 10 points. Salut Louis. Allô, salut toute l'équipe. Ça va bien? Oui, ça va. Bon, dans quelques minutes, tes oreilles vont saigner, mais à cause de qui? De Laurence ou de Tof? De Tof. Très mal. De Tof, d'accord, ok. Reste avec nous, il y a Jérémy également. Salut Jérémy. Salut Mickaël, salut l'équipe. Ça va bien? Ça va et vous? Très bien, très bien. Bon Jérémy, dans quelques minutes, tes oreilles vont saigner à cause de Laurence ou de Tof, à ton avis? Moi, de Laurence, le pauvre Tof, il a une belle voix. Oh, bah, merci. Que tu es bien naïf, mon garçon. Ouais, pour Tof. Oh l'enculé. Bon Jérémy, reste avec nous. Il y a également Sam. Alors Sam, plutôt Tof ou Laurence qui va faire saigner tes oreilles? Bah écoute, j'en sais rien. Moi je dirais pour un petit son musical, je dirais un petit Stromae formidable. Mais qui toi t'as tout compris à la question. Sam, t'as fumé un pétard ou s'est passé quoi avant? Ou alors... Ah ouais, exactement. Ah, eh ben tu vois, il faut moins fumer, Sam. Tu vois, c'est pour ça. Il répond à la conversation d'il y a deux jours. C'est un mec qui va poser une question, il répond maintenant. Bon, bon, très bien. Et Daniel également qui est avec nous de Normandie. Salut Daniel. Salut Mickaël. Salut Daniel. Bon, dans quelques instants, il y a donc Laurence qui va chanter avec Tof. Et l'un des deux va faire saigner tes oreilles. Lequel? Ouais, Tof, d'accord, ok. Donc ça nous fait 4-1, c'est ça? 4-1, oui, enfin, ouais. Je pense qu'on peut même lui donner le point. Le... Ah non, tu l'as eu, il faut la... Voilà, voilà. Bon, alors, on demandera vos avis juste après. Donc, alors, écoutez bien, avec le hashtag Mickaël, donnez vos avis en live, évidemment. Il y a Laurence, donc l'auditrice qui est passée hier, qui est venue avec sa guitare, hein. Avec ma guitare, ma femme qui est toujours avec moi. C'est oui bien sûr la guitare. Ouf, j'ai eu peur. Ma guitare, oui. Ma guitare. Parce que Polo était très déçu, il me dit putain merde. Et là, je dis oui la femme. Elle est gouine, bordel. Elle est sur ses genoux. C'est ça exactement. Ah moi j'aime bien les gouines moi. À savoir ça m'étonne que, pas. À savoir que moi-même je joue de la guitare. Alors, attention, je m'y mets. Ah bah bien sûr. Attends, je sors de l'étui. Voilà, j'ai la règle en ré majeur. Exactement, je chante même c'est en live. Gibson, hein. Voilà, donc comme ça je te montre un peu à quoi ça ressemble. Hein. Voilà. C'est du ré majeur. Franchement génial. Ah ouais. Attends, je la règle un peu plus. C'est attends, vrai. Je vais mettre du Dolby Surround. En live attends. Comme ça en plus. Ah ouais, t'as vu. Voilà. Attends, je vais pas me chanter en jouant. Vas-y. Alors écoute. Ah c'est bon, je suis amoureuse. Ah sympa, non? C'est génial. Okay. Attends, je vais plus loin. Je suis pas un enculé. Sandro au triangle. Je fais le refrain ou pas? Vas-y. Allez, refrain, allez. Là, c'est parti. Qu'est-ce qu'il est voilà, fort. Voilà, non, j'arrête parce qu'après la pauvre... Non, mais t'essayes de me séduire. Mais non, mais dis pas les choses clairement. C'est vrai qu'il paraît qu'avec une guitare, on peut mettre une meuf dans son lit plus facilement. Ah, j'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai voulu apprendre la guitare, mais j'y suis jamais arrivé. Avec une guitare, on peut mettre une meuf, je dis, ça y est. Non, fut un temps, je jouais plus souvent. Bon, après, voilà, là, j'ai fait quelques fausses notes, mais ça arrive, hein, on peut pas être parfait. Même au meilleur, Mickaël. Mais oui, je sais bien, qu'est-ce que tu veux, enfin bon. Bon, alors du coup, donc j'ai mis un peu la pression, je suis désolé. Ouais, là, je suis fou, je sais plus. Non, je sais plus où mettre, là. Non, sur Laurence, toi, je sais que tu vas te faire de la merde, donc ça me. Je suis pas. Je risque pas grand chose dans l'idée, hein. Là, bon. J'en ai la voix coupée, je sais pas si je vais arriver à chanter. Ah oui, oh là là. Bon, du coup, vous allez nous chanter quoi? J'ai l'impression d'être à l'école des fans. On va chanter une merde absolue, mais c'est la seule chanson qu'elle connaissait en français. Voilà. C'est et vu que monsieur veut absolument chanter en français parce qu'il a peur de chanter en anglais. Non, on va faire speak very good English, hein. Non, attends, speak very well. Non, faisons les deux. Et si voilà. T'en as une en portugais. En portugais. Ah bah oui, donc Brésil, ça va être parfait. The girl of Ipanema. La bossa nova, c'est un petit peu compliqué. Ouais, mais bon. Gilberto Gil. Chanter, oui. Jouer, non. Alors que je ne sais pas, on va très bien. Bon, allez, on y va, c'est parti. Alors écoutez bien, c'est un grand. Ta gueule. C'est un grand moment de radio là que vous allez entendre. Ah bah voilà. Probablement le dernier, puisqu'à mon avis, même votre radio va s'éteindre. Ouais, il y a de fortes chances, il y a de fortes chances qu'elle s'éteigne toute seule. Bon, Laurence à la guitare. Ouais. C'est bien ça. C'est voilà, et au chant, et puis Toff à la merde. Hein. Ouais. Voilà. Allez, donc, c'est parti. Je ne sais pas de Jazz Jonathan. Oui. De qui Jazz Jonathan. Oui, je croyais qu'il était décédé. Non, non, c'est pas vrai, c'est on a mangé rire. Avec elle il y a pas longtemps. C'est, oh, c'est pour rire, parce qu'on l'entend plus là, c'est pour ça. Bon, allez, vas-y. Non, alors attends, est-ce qu'on peut mettre un micro devant la guitare là, mais non, mais il est mal réglé. Mais non, mais de devant. Ah bon, merde, alors, mais il est pas allumé, alors évidemment que ça marche pas. Essaye pour voir là. Le mec, il l'allume pas. Ah bah voilà. C'est du ré majeur là. Non, mais alors. Attends, je vais m'occuper du réglage, vas-y. Ouais, écarte un peu là, écarte. Heureusement que j'ai été redit. Franchement, ça sonne bizarre là. Ça sonne très bizarre. Voilà. Ouais, joue pour voir là. Écarte. Polo, écarte. Écarte plus fort là. Écarte. Ouais, vas-y. Attends deux secondes, excuse-moi. Écarte. C'est bon. Voilà, parfait. Ça, le réglage est fait là. Le réglage est fait. On est au taquet sur le réglage. Parfait. Bon, attends, les bons là. Attends, on fait les tests en live. Joue et Toff, essaye de passer la voix dessus. Vas-y. Pour voir si le son est bon. Parce que. Chauffe-toi. Le problème, c'est que je peux pas tout régler ici. Là. Avec Cri-Cri. Attends, parce que. Non, chante n'importe quoi, on s'en fout. Ah, mais tu veux que je chante quoi Non, c'est bon. Voilà, c'est bon. La voix passe par-dessus, c'est bon. Ah, bah parfait. Voilà, on va pas le ridiculiser tout de suite. Non, c'est ça. Il faut juste qu'elle me lance parce que je sais pas où faut commencer. Hein, donc. Par le début, c'est un bon commencement, Toff. Allez. Des situations sont jamais les mêmes. Allez. Comment te dire, je ne peux pas me mentir, tu m'as tiré, tu me l'as fait un vrai problème. Bordel. Attendez, on va tirer un peu la. On entend trop la guitare là, on n'entend pas assez la voix. Ah, c'est dommage. C'est dommage que j'étais bien là. Voilà. C'est à cause du compresseur de ré majeur. C'est ça. Bon, allez, vas-y. Allez, on recommence. Cette fois-ci, on est bon là. Et toi, 2, 3, 4. Oh, il y a des mots qui me gênent, des centaines de mots, des milliers de rengaines qui sont jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas tirer, c'est là que se trouve le fond du problème. Oh, me. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, tes délices, tes désirs, tes supplices, je vois vraiment pas où ça nous mène. Ah, il y a nœud à la fin. Alors. On se raisonne. Solo pour Toff. C'est pas la fin de notre monde. Et à tort, on se questionne. Encore une dernière fois. Mais plus fort Toff, on t'entend pas. Je ne sais pas comment te dire. Tout foutre en l'air. De tout détruire. Dans tes idées à mes trop clairs. Depuis longtemps. Et j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. De tout détruire, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ah, c'est. De ta idée. Oh là là. Mais j'ai toujours laissé derrière. Il y a Maria qui dit oh, c'est beau. Bah, dis donc. Merci, Maria. Il y a Fred S34 Toff, le ridicule. On peut juste faire juste leur une fois. Bon, allez, vas-y. Ok, content, il se fait qui je sais pas. Comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air. De tout détruire, ta idée à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière. Mes sentiments, je ne sais pas bon, ça va. Comment. Allez, donc la vie de l'auteur. Hein. Ah waouh. Je t'ai scotché ou pas? Grave. Merci. Ah, non, quel talent. Ouais, c'est t'as vu ça. Cet organe, cette voix, c'est. Ouais, c'est. Faut quoi faire là? Ah non, voilà. Là, il vaut rien. Hein, faut plus rien faire là. Une petite anglais vite fait pour terminer ou on arrête là? Mais il est trop dur, Titanium. Vas-y. Attends, mais en plus c'est Guetta, c'est son dance floor là. C'est son dance floor. Je suis d'accord, mais. Ah bah attends, tu peux le faire. Oui, je peux le faire. On l'a entendu mille fois. Vas-y, mets-moi le morceau pour. Relou. Alors attends, je vais mettre un extrait d'abord de la version originale, sinon il va pas s'en sortir le malheureux là. Alors, écoute bien. Mais ça ressemble pas du tout à ça en fait ma version. Ah bah parfait, ça va me mettre. Non mais écoute au moins le. Bon les paroles sont les mêmes. T'as pas les enchaînés, tu as pas changé les paroles. Bon. Donc, moi je propose que tu fais les passages de Saya, moi je chante pas ceux-là. Ah écoute. You Toff il va chanter David Guetta. Voilà. Et moi je chanterai David Guetta. Non, je ferai les refrains. Voilà. Ah, écrit, ça ressemble pas à ça. Allez, le reste c'est la surprise, on y va. Allez, allez 3, 4. Shut it out, but I can hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm pretty sad, but all your bullets ricochet. Shut me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. You take your aim. Oh putain. Fire away, shut me down. But I fall. I'm in success. Shut me down. But I fall. I'm in success. Stop. Arrêtons là. Ce que je propose, parce qu'il y a des auditeurs qui disaient, ce serait bien que tu la fasses tout à l'heure. Okay. Mais en solo, hein, sans avoir la merde. Je comprends pas, moi j'étais plus. Franchement, non, je comprends pas. Attends, il fallait te voir en plus, t'étais à fond. Ah, on était dedans ou pas? On était trop. Ah ouais, on aurait dû faire The Voice à deux. Sans savoir cette horreur à côté qui se flingue tout. Là, il y a Benji Spears qui dit Laurent chante super bien. Mais pas de message pour toi, Toff, pour l'instant, en tout cas. Hein, c'est bizarre parce que Cédric qui dit donné quand même. L'auditrice a tout déchiré, bravo, c'est 15 000 fois mieux qu'au téléphone. Bah, heureusement. Oh, hein. Valou qui dit autant j'adore la voix de Laurence, autant celle de Toff, je peux pas. Didou Doudi qui dit Toff, ta gueule, putain, tu gâches la voix de la fille. C'est du racisme, c'est pas bien ce qu'on fait. C'est ça, ouais. Également, Toff, tu chantes tellement bien. Sortez les briquets, bande de bâtards. La fille, elle gère, c'est Léa, mais pas de message pour toi toujours. Hein. Allez, Toff, mort de rire, les dégâts que ça va faire, on te soutient quand même. Hein. Laurence a une putain de voix, oh my god, je kiffe. Ah bah voilà, très bien, tu seras pas venu pour rien, tiens, Laurence. Laura qui est également qui dit Toff, Toff chante, mort de rire. Oui, enfin, oui. Tout est relatif. Hein. Et je me suis trouvé très bon. Ben oui, et Fanatics Monster qui dit elle chante super bien, Toff, putain, arrête tes conneries. Bon, on la fera tout à l'heure en version normale. Tu veux chanter quoi tout à l'heure? T'as une chanson en particulier ou celle de Titanium ou autre chose ou je sais pas? Autre chose pour papa, enfin j'ai... Non, dans le micro, on t'entend mal là. Plein de chansons, vraiment là, je sais pas, faut voir. Bon ben réfléchis, t'as le temps jusqu'à la fin de l'émission, hein, réfléchis bien. Okay. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter justement le son de David Guetta. Promis, après on fait les appels de Toff, on est à la bourre. Promis, on prend Daniel, on prend Jérémy, on prend Louis, on prend Steven, on prend Marilyn, on prend Sam. Tout ça juste après, le son de David Guetta avec Showtech qu'on écoute maintenant et Bad sur Fun Radio. Bonne nuit, il est 1h du matin, on est au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël, No Limit jusqu'à 2h. Eh ouais, David Guetta sur Fun Radio avec Showtech, c'était Bad. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et toujours en direct, évidemment, vous balancez comme d'habitude vos messages en direct avec le hashtag et Mickaël. Il y a Laura qui dit, Laurence, pourquoi tu as pas chanté à The Voice? T'as une belle voix. Ah bah, elle est partie boire un petit verre, donc on peut pas lui poser la question. Sweva également qui dit, moi j'ai peur des araignées. Thierry qui dit, c'est bien Toff, tu as eu les corones de chanter. Toff gagne de loin. Merci, ah ouais. Merci Thierry. Mais chez les sourds alors. Hein. Jenny également, bonsoir, mon mari a 20 ans de plus, c'est le père de ma fille, 10 mois, mais nous sommes toujours ensemble. Des bisous à toute l'équipe, bah c'est bien aussi. Et avant de parler de ça, justement avec notre ami Sam, on va faire les appels de Toff. Hein. On a pris un peu de retard. On a appris surtout que donc on change l'heure ce week-end, vous le savez. Oui. Et Durex a proposé de lancer un nouveau truc, Oui. Non, c'est d'abord le WWF qui veut faire la Earth Hour, donc pour l'heure pour sauver la planète. Donc il faut tout couper de 20h30 à 21h30, couper tout ce qui est électrique, voilà. Et donc comme les gens ne sauront pas quoi faire, Durex a eu l'idée de faire la Love Hour où tout le monde pourra baiser pendant une heure mais dans le noir. Oui, bah oui, parce que forcément. Les bougies sinon. Oui, à la limite, à la bougie, effectivement. Bon, du coup, on appelle des gens afin de leur proposer de voir si tu peux éventuellement coucher avec leur femme samedi soir, puisque t'es un peu en galère. Bah oui, toujours moi. Bah voilà, donc on y va, on appelle, c'est parti, grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Ça va? Oui, ça va et vous? Ah, en fait, c'était sur la messagerie, donc... Putain. Oh, l'enculé, quel connard. Il est bon le répondeur, là. Ah, oh, il a bien fait, parce que d'habitude, c'est allô. Ouais, allô. Ouais, c'est un répondeur. Là, il a bien fait, le Sarah. Ouais. Ouais, il l'a bien joué. Il est pas mal. Bon, du coup, on va appeler un autre. Hein. Ouais. Oui. Allez, hop, c'est parti. 1h04, on appelle un autre maintenant, là. C'est parti. Allô. Oui, allô, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir, comme c'est la Love Hour, pardon, ce week-end, je voulais savoir si samedi je pouvais venir faire l'amour à votre femme. Vous êtes sérieux, vous? Bah oui, monsieur. Allez le faire foutre. Bah pourquoi vous dites ça, monsieur? Allô? Allô, oui. Oui, non, pourquoi vous dites ça, monsieur? Bah votre gueule, vous. Bah je vois pas le rapport, monsieur. Bah pourquoi vous m'appelez à cette heure-là? Bah parce qu'en fait, samedi, donc entre 20h30 et 21h30, c'est la Love Hour. Et du coup, en fait, je voulais venir faire l'amour avec votre femme. Et t'as déjà touché la tête à ta mère avec tes oreilles? Bah non, monsieur, mais pourquoi vous me parlez de ça? À votre gueule, vous. Mais je comprends pas, monsieur, vous... Enfin, moi, je vous appelle juste pour faire l'amour à votre femme, c'est tout. Alors, si vous avez des couilles au cul, vous venez chez moi taper, je vais vous casser la gueule. Mais pourquoi vous voulez me casser la gueule, monsieur? Enfin, c'est pas gentil, moi je veux juste qu'on fasse l'amour. Non mais hey, tu me laisses tranquille là. Bah oui, mais dites-moi quand est-ce que je peux venir faire l'amour avec votre femme? Enfin non, c'est entre 20h30 et 21h30, on n'a pas le choix. Bah si tu veux, tu t'as des couilles au cul, tu viens taper chez moi tout de suite. Ah, mais non, c'est samedi, monsieur. Bah vous venez là. Mais non, moi je préférerais venir samedi, monsieur. Bah si vous voulez, d'accord. D'accord, bah on fait ça samedi alors. Bah on fait comme ça. Et samedi, je fais l'amour à votre femme. Ah oui, ta gueule. Bah non, monsieur. Enfin, pourquoi autant de violence? Bah ta gueule, voilà. Mais tu non. Me tranquille. Mais non, monsieur. Bah vous venez de me dire de venir chez vous. Oh, ça suffit maintenant, là. Bah oui, mais alors, je viens ou je viens pas? Bah je m'en fiche, moi. Tu viens samedi, comme tu veux. Bah donc je viens samedi. D'accord. Voilà. Bon, bah on se dit à samedi, alors. Bah oh, ça va, là. Samedi, d'accord. Samedi, d'accord. Eh bah samedi, monsieur. Si tu viens, je vais te passer le chien, tu vas le sucer, tu veux. Mais non, c'est à votre femme, monsieur, que je préférerais faire l'amour. Bah non, j'ai pas de femme. Ah, vous par avez... contre, j'ai un chien. Ah, vous avez un chien? Oui. Ah oui, mais ça m'intéresse moins, ça, le chien. Et il s'appelle Izzy. Ah, vous aussi? Bah, comment ça? Non, parce que j'ai un ami, il a un chien. Non, j'ai un ami, il a un chat, il l'a appelé comme ça aussi. Enfin bon, c'est une histoire, on s'en fout un peu, hein. Ah bah, c'est la coïncidence, hein. Bah oui, c'est ça. Bon, ah, bah voilà. De toute façon, si vous avez pas de femme, ça m'intéresse pas. Donc, on va se souhaiter une bonne soirée, monsieur. Oui, et saluez-moi, Mickaël, s'il vous plaît. D'accord, bah je lui dirai. Au revoir. D'accord, au revoir. Ah, je me disais bien le. C'était bizarre, t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Ouais, ouais. Putain, il y a deux mecs qui disent cette expression bizarre, quand même. Bon, bah salut, du coup, il a raccroché trop tôt, c'est dommage. Bah dommage. Écoute, bah oui, c'est dommage. Bon, on en fera d'autres tout à l'heure, alors c'est pas grave. Si vous avez des numéros de téléphone, n'hésitez pas. Il y a Charles Henrier aussi qui dit merci Tof pour cette belle chanson. Tu as amené un peu de soleil dans cette nuit sombre, mort de rire. Et Pogoy aussi sur le l'application Mickaël No Limit sur iTunes. Effectivement, Tof a une voix de merde. Ah, bah merci Pogoy de t'en être rendu compte. Bon, retour avec Louis qui voulait parler des animaux là. Salut Louis. Salut. Ça va donc? Ouais, ouais, ça va. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Tof? Il m'a plus explosé les oreilles qu'autre chose. Ouais, mais j'avais prévenu tout le monde, hein. Je comprends pas. Ouais, il fallait couper la radio, je l'avais prévenu. Bon, on parlait des animaux, toi. Donc, qu'est-ce que... Tu as peur de quel animal? Moi, j'ai la phobie des crevettes. Des crevettes? Mais qu'est-ce que tu veux qu'elles te fassent? T'as peur qu'elles te chopent à la gorge? C'est ça. J'aime pas les crevettes. D'accord, t'aimes pas les crevettes, oui, elles sont méchantes, hein. Oh, elles me font peur. Mais oui, tu t'es déjà fait attaquer par une crevette? Pas encore, mais attention, ça risque d'arriver, c'est quand même un animal relativement dangereux. Tu sais ce que tu fais quand une crevette t'attaque, tu l'attrapes au cou? Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et tu la bouffes. Tu la serres fortement et tu lui mets une patate. Exactement. Non, franchement, à faire, Louis, attention, méfie-toi. Il y a des fusils spéciaux pour les crevettes. Mais t'arrives, tu vois la crevette arriver. Hop là! Ils ont pleine gueule, normalement t'es tranquille après. Ouais, je pense, mais. Non, il vaut mieux. C'est un peu, ouais, c'est un peu le même système que pour se débarrasser de Tof. Pareil, c'est le même coup. Un coup de pelle. Oui, ça marche aussi. Effectivement. Bah attends, reste là parce que il y a également Daniel qui est avec nous là de Normandie, de Cerquilly. Salut Daniel. Salut, bah moi je savais pour te dire que j'ai la phobie des furets. Des furets, pourquoi? Ouais, parce qu'en fait quand j'étais gosse, bah mon oncle il est chasseur et il m'a mis un furet dans les mains et il m'a croqué le doigt. Ah oui. Ah. Ah oui, bah oui. Mais quelle idée, comment les gens ils réfléchissent? En fait, ça vient de là souvent les phobies, parce que les gens te mettent en situation comme ça, face à un chien. Bah, ça dépend, ouais. D'après ce que mon oncle me disait, que c'était gentil, mais bon. Bah ça dépend, t'as fait un truc peut-être sans le savoir, mais tu sais, tu l'as peut-être fait mal ou tu as peut-être fait peur. Non, il me l'a mis dans les mains, il s'est mis à me croquer, mais en fait j'en ai eu la phobie beaucoup plus tard, parce que c'est après chez un pote, il en avait un justement. Et c'est là qu'il m'a passé le tien et que le tien s'est mis à me croquer. Et puis bah là depuis bah c'est la phobie. Ah bah du coup, ah ouais d'accord, ok, donc la première fois tu t'es dit c'est un accident, mais quand le deuxième a refait pareil, ouais, tu t'es dit bon en fait c'est pas un accident, c'est ces animaux, ouais, c'est des connards. Ouais voilà, c'est ça exactement. D'accord, ok. Et d'autres phobies d'animaux ou pas? Moi, non, ça va. Moi, les araignées un peu, mais bon. Ouais, voilà. Bah, moi, j'avais pas trop, j'étais pas trop en confiance avec les araignées. Et puis, depuis qu'on en a eu au mois de décembre, moi, boss de Fun Radio, c'était une journée où c'est vous qui vous lanciez les défis aux animateurs. Et il y en avait un, évidemment, il y avait eu des défis, genre avoir une migale sur soi, bien évidemment, c'est tombé sur qui? C'est tombé sur moi. Bizarre. Bah, bizarre, ouais. Et donc, du coup, j'ai dû effectivement me taper une migale sur mon bras. Je peux te dire qu'au début, j'étais pas en confiance. Il y a d'ailleurs une auditrice qui l'a tweeté la photo avec la migale il y a quelques minutes là. Vous pouvez aller la voir si vous étiez en retard. Tapez hashtag Mickaël et rajoutez-moi avec le @Mickaël _ officiel. Et puis bah ajoutez-moi, je vous suivrai aussi et comme ça vous verrez la photo justement. Je faisais pas le malin au début, même si après ça va. Bah ouais, franchement au début tu te dis putain la bestiole. J'ai déjà eu un serpent aussi, un bois constricteur autour du cou. Et ça aussi, non seulement c'est lourd, mais après tu te rends compte que le mec il est cool, hein, le bois. Hein. Ouais, ça va, mais bon, ça reste. Faut avoir le courage quand même. Oui, c'est vrai, mais je l'ai eu en fait, le mec il est pépère, hein, il est là, il est tranquille. Bah, il faut lui avoir donné à bouffer avant. Hein. C'est-à-dire que vous aventurez pas dans l'histoire comme ça. J'avais une histoire un jour comme ça qui était arrivée, mais je sais plus qui c'était. Enfin, je vous raconte l'histoire, on me l'avait raconté aussi, mais je sais que c'est une vraie histoire. Et donc, c'est une meuf qui était. Qui avait deux serpents chez elle dans un vivarium. Et en fait elle avait sorti le serpent parce qu'il était gentil, etc. Et en fait elle a été voir le vétérinaire pour les vaccins, je sais pas quoi. Et elle lui a dit en fait ouais écoute c'est bizarre, le serpent il est vraiment affectueux, il se met on dort ensemble et tout, dans le même lit, il se colle à moi et tout, il est vraiment affectueux. Et t'as le vétérinaire qui lui a dit là en fait il est pas affectueux, il attend juste de grandir pour voir à partir de quand il va pouvoir vous bouffer. C'est-à-dire qu'en fait il grandit et il attendait de dépasser la taille de la meuf pour la bouffer. Ouais, pour faire son sandwich quoi. Non mais c'est ouf, t'imagines que l'autre elle dormait à cause de ça. Mais complètement bête. Ah bah complètement. Non, mais carrément. Mais c'est quand même affolant, t'imagines que il est affectueux là, il avait juste la dalle et en fait il attendait juste de grandir un peu pour pouvoir avoir assez de place pour l'engloutir. Mais vous l'avez pas vu cette vidéo sur le net où c'est un, je sais plus ce que c'est comme serpent qui bouffe un crocodile entier quoi. Ah ouais. Ah oui, j'ai vu ouais. Non, un serpent qui a bouffé un crocodile, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça ouais. Un crocodile, c'était un alligator. Ouais, pareil. C'est pareil. Tu dis ? Un serpent qui avait une gazelle aussi, j'ai vu. Ouais. Non mais attends, les serpents c'est des barrés hein. C'est parfois tu les vois, ils sont complètement déformés, ils ont avalé un truc, c'est à dire que tu vois, il va leur falloir 2 ans avant de digérer. Ouais, c'est ça. Non mais c'est vrai hein. Parfois il y en a un qui bouffe une seule fois par an parce qu'ils ont tellement bouffé que le temps que tout se digère et tout le bordel, c'est de la folie. Bon bah merci Daniel d'avoir appelé, merci à toi aussi Louis. Continuez comme ça, moi je travaille de 7h le soir à 8h le matin, je vous suis tous les soirs. Ah bah c'est gentil Daniel, c'est gentil, merci beaucoup. Je suis au taquet avec vous. Et tu fais quoi dans la vie là? Bah je suis gardien de nuit. Ah oui d'accord, ok. Ouais donc en fait non, sécurité. Ouais donc tu te fais chier tant qu'il se passe rien quoi. Bah voilà c'est ça, je vous écoute et j'essaie de me motiver à vous écouter pour tenir la nuit quoi. Bon bah c'est gentil en tout cas, merci beaucoup Daniel et puis bon courage à toi. Il y a pas longtemps que je vous écoute, justement ça fait un mois que j'ai commencé, ça fait vraiment que je vous écoute. Eh ben t'as commencé comment? On t'a dit de venir ou t'es tombé par hasard? Bah non en fait je suis tombé par hasard sur vous et c'était un week-end et c'était du dumpster à mort et j'ai bien aimé. Et puis en fait bah, je vous ai suivi la semaine et puis là maintenant j'arrête pas de dire. Eh bah écoute, eh bah super. Comme si on était une paire de chaussures, ouais. Je vous ai suivi la semaine, j'étais confortable. Mais alors je préfère la 44 parce que la 43 c'est un peu petit donc ça sert à grandir. C'est clair. Comment? Non, on faisait une vanne à base de chaussures quand tu disais que tu nous as essayé la semaine. Non mais c'est gentil Daniel. Eh bah merci à toi. Bah allez, bah, comment? Et je dis merci à toi et puis tu reviens quand tu veux, Daniel. Bah, y'a pas de soucis. Bah, salut. Ciao à toi. Louis, tu voulais ajouter un truc? Ouais, je voulais passer une dédicace. Eh bah, vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Je peux en passer plusieurs? Non, une seule, c'est la même règle pour tout le monde, Louis. C'est pas parce que tu as 14 ans que tu auras un passe-droit. Je passe une dédicace à Héloïse. D'accord, donc tous les autres vont te tirer la gueule. Hein, il a 4, t'as 14 ans ? Ouais, 14 ans. T'as vu, mais c'est pas un doux. Ah, c'est pas un doux, donc il a une voix, il a déjà mué. Lui, voilà, il a plein de poils là. Ça fait longtemps que t'as mué, Louis ? Je sais pas. Ouais, sans doute. Ah bah attends, tu t'en es rendu compte parce qu'il y a un moment, tu devais parler comme ça et puis du jour au lendemain, tu devais avoir la voix que t'as aujourd'hui. Oui, tu parlais grave et passé à aigu. Ah merde ! Ah, ça c'est pas de bol ça. Ah ouais. Il parle comme ça. Ah ouais, ça c'est pas de bol. En fait, il a voulu redevenir doux. C'est ça, parce que c'est confortable d'être un doux. Hein, bah, exactement. On s'en rend pas compte comme ça. Ça a plein d'avantages. Pas un doux de d'Inde. Non, un doux de la douceur. Tu dis, Louis ? En plus, il est grand, il est baraqué, donc. Oh merde, putain, triste pour lui. Ouais, mais putain. C'est pas parce qu'il prend des hormones ou un truc comme ça ? Ouais, je sais pas, mais il est grand, il est pas comme ça. La honte. Bah. Plus il crie, plus la voix aiguë. Ah oui, mais ça c'est normal, hein. Ça c'est normal. Mais bon, s'il a la voix aiguë, même quand il parle normalement, c'est quand même bizarre. Bah, merci Louis en tout cas d'avoir appelé. Merci. Et reviens quand tu veux. À bientôt Louis. Ciao à toi. On va prendre Sam, Marilyn également, qui voulait donner son avis par rapport à Sam. Donc Sam qui veut récupérer sa meuf parce qu'elle s'est barrée avec un plus âgé. Et Marilyn, 20 ans donc, de l'Isère dans le 38, qui voulait donner son avis également. Alors Marilyn, sois la bienvenue. Merci. Mais non, je t'en prie, écoute avec plaisir. Alors, Marilyn, c'est quoi l'avis que t'avais à donner, toi ? Moi, c'était pas par rapport à l'âge. Moi, c'était par rapport à une relation que j'avais eue. Donc, quand j'ai eu 15 ans. En fait, j'étais avec un copain et un mois après, je me suis séparée avec lui. Bah, il est parti avec un mec. Ah merde ! Ah, c'est un peu la loue, ça, quand même. Et donc, comme diraient beaucoup de filles, parce que ça, c'est la phobie des filles. Enfin, je pense en tout cas. C'est je quand l'ai rendu c'est quand, pédé. Non, ouais, voilà, c'est quand un mec la quitte pour aller avec un autre mec. Et là, tu te dis, putain, est-ce que je l'ai rendu pédé ? Ah, attends, Laurence, la chanteuse, là ? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Ah. Personnellement, hein, après, c'est moi. Non, mais vas-y, donne ton avis, c'est bien. Si je sors avec un mec et qu'il me trompe avec une fille, je le prendrais trop mal parce que justement, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Ouais. Alors qu'avec un mec, tu sais ce qu'il a de plus. Je ne peux pas me comparer. Voilà, le mec, je peux pas... Ouais, mais peut-être que tu vas te dire, putain, il est sorti avec moi, donc il était hétéro, et en fait, le mec se barre et préfère tester un mec tellement je l'ai dégoûté des filles, peut-être. Si, il a envie d'écarter son... Désolé de parler comme ça, mais c'est... Non, mais attends, il peut peut-être être passif hein, ou actif. Oui. Il fait comme il veut, après, c'est sa vie, enfin, voilà, mais... Je préfère peut-être, enfin, je le vivrais mieux. Mieux, voilà. D'accord. Et les Auxerroises à côté de toi, là, comment ça se passe, là, tu... Qu'est-ce que t'en... Nous on aime la double, la triple. Tant qu'il y a un bar à chicha, on va bien. On a rien à foutre. Voilà. Donc, alors, si votre mec il se barre pour et qu'il devient gay, vous le vivez mal ou vous le vivez en gros, est-ce que c'est comme Laurence ou pas ? Ah non, moi c'est le contraire, je le prendrais trop mal. Ah ouais ? Tu préfères qu'il se barre avec des filles, donc non. Tu préfères qu'il se barre avec une autre fille ? Ouais. Non. Ah non, il faut pas qu'il se barre. Ouais. Il reste à la maison, il ferme sa gueule. D'accord. Si avec un mec, je le prendrais trop mal. Je me dirais, je l'ai dégoûté, donc voilà. D'accord. Et le dernier avis ? Comme Marine. Pareil. Ah oui, non, mais non. Comme Marine, d'accord. Non, mais très bien, mais voilà. Tiens, il y a Aurélie qui dit, moi, je préférerais que mon mec me quitte pour un homme. Ok, pourquoi pas. Donnez vos avis, tiens. Est-ce que vous préférez que votre mec... Alors, votre mec doit se barrer. Voilà, il va se barrer, votre histoire est finie. Il vous a trompé, mais vous préférez qu'il vous ait trompé avec une meuf ou avec un mec ? Ou avec une moto. Non. Pour un pot d'échappement ? Voilà, non, une meuf ou un mec ? Sam, je t'en supplie, t'es en train de parler en même temps parce que t'as fumé un pétard avant d'appeler et que du coup, tu n'entends pas tout ce qu'on dit. Si. Mais non, si, je t'ai demandé tout à l'heure, par exemple, je t'ai dit, lequel des deux va mieux chanter, Laurent Soutoff, tu me dis, ah, moi je vais écouter Stromae. Non. Qu'est-ce que t'as dit ? Celle qui a mieux chanté, bien sûr, c'est la femme. C'est la femme, évidemment, mais tu as bien raison. Femelle. Bon, et donc Marilyn, du coup, l'histoire, la finalité de l'histoire, il s'est passé quoi ? Du coup, à la fin... Il s'est fait enculer, oui, on sait bien, mais... Ouais, c'est dégueulasse. Non, mais c'est la vie. Il est resté un an avec et après, du coup, il est revenu me parler. Ouais, mais il est venu te parler genre en ami ou il a envie de te recasser les pattes arrière ? Oh, c'est violent, ça. Non, après, il a voulu se remettre avec moi et j'ai refusé. C'est bizarre. Hey, tu sais ce que tu devrais faire ? Envoie-moi. C'est bien. Hey, envoie-moi une photo à polo@funradio.fr, P-O-L-O. J'ai envie de voir parce que je vais enquêter, c'est pas normal. T'as une jolie voix, t'as l'air magnifique. Oh, l'autre, il est vraiment en chien, lui. Depuis hier, il est en chien de chez chien, là. Taquet, Polo. Je suis en chien, je veux essayer de l'aider. Mais oui, bien sûr. Non, ouais. Ouais, bah évidemment. Bon, bah très bien. Bah attends, mais Marilyn, merci à toi d'avoir appelé. Bah merci à vous. Et tu reviens quand tu veux, Marilyn. Je te fais des gros bisous. Merci, gros bisous. Salut, ciao à toi Marilyn. Il y aura Steven dans un instant qui voulait donner un avis par rapport à toi, ça me reste là. On aura Jérém, appelez-nous également. Donc qu'est-ce que vous préférez, si votre mec ou votre copine, ça marche dans les deux sens hein, mais en gros, votre copain ou votre copine se barre, est-ce que vous préférez qu'il vous quitte pour le même sexe ou pour le sexe opposé? Appelez-nous, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va en parler dans quelques minutes et on va s'écouter d'abord le son de Clean Bandit maintenant sur Fun Radio, Rather Be. Il est 1h19 et puis on aura aussi Laurence Lutris alors qui va nous chanter. Chanter quoi alors finalement, t'as-tu décidé? Somebody That Used to Know. Parfait, très bien. Très dance floor en plus, c'est parfait. Clean Bandit, Rather Be. On vient juste après. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. There's no place I'd rather be. If I can give you, there's no place I'd rather be. Le son de Clean Bandit, c'était Rather Be à l'instant sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Nickel, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et il est 1h22, on va faire quelques appels avec Tof dans quelques minutes encore. Il y a un message également. Salut l'équipe, j'ai 12 ans d'écart avec ma compagne. C'est elle la plus âgée, c'est Nico 29. Il y a Technique également qui dit merci Tof, tout à l'heure avec ta voix de merde, mon chat a fait un arrêt cardiaque. Ah, bravo. Hashtag Tof enculé. Désolé. Bah, ouais. Il y a Christophe également. Ah Tof, il a été trop bon là. Il a même chanté sur du son dance floor. Il est magnifique Tof. Merci, merci. Ouais, quel talent. Et Xavier aussi sur l'application Mickaël No Limit. Moi je suis revenu de Marseille, ça va mieux, je t'écoute depuis quelques jours. J'adore les photos de dictateurs. C'est vrai que Polo est très dictateur. Pourrais-tu m'envoyer un pack fun? Je vous adore. Et c'est vrai il faut que l'envoyer, il faut que t'envoies un mail à Sandro. Sandro donc @funradio.fr avec tes coordonnées complètes. Tu te sens toujours mieux quand tu quittes Marseille. Ouais, c'est ça. Léa également sur le Twitter, Fun Radio est au-dessus de notre radio, c'est mon avis. Ah bah merci Léa, en tout cas c'est gentil. Et FredS34 qui dit, moi je dis la différence d'âge n'a pas d'importance, du moment qu'on est heureux, c'est ce qui compte le plus. On est d'accord dans l'idée, effectivement. Bon, on va d'abord récupérer notre ami Steven, il y a Sam également, vous êtes là toujours tous les deux? Ouais, moi je suis là. Très bien, oui Sam, j'imagine bien évidemment. Donc qui veut récupérer sa meuf, elle s'est barrée avec un plus âgé, en plus il se trouve moche. Mais tu ressembles à quoi Sam? Bah écoute, je suis roux, boutonneux, donc ça aide pas. Non, ça aide pas. Et puis, de plus, à la rue. À la rue. Oui, mais ça change pas la beauté, ça. Hein, ça. Ouais. Oui, là, non, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est-à-dire que j'ai essayé de soigner mon physique, c'est-à-dire via des crèmes, via des machins, ça n'a pas marché, quoi. Ouais, via des colorations. Ouais, ça passera, des, oh, ça va, c'est pour rire. Oh là là. Non, mais non, ça va. T'inquiète. Ça passera, les boutons. Oui, ça va passer, les boutons, hein. Bah ouais, mais j'ai 27 ans quand même. Et alors? Et tu sais que. Alors, c'est vrai, j'en ai que 22. Elle a 32 ans. J'en ai que 22, mais effectivement, il y a pas longtemps, j'en avais encore quelques-uns à gauche, à droite. Et là, comme ça, tout d'un coup, du jour au lendemain, hop, terminé. Ah, mais ça arrive au bout de combien de temps? 35 ans? Bah dis donc, j'ai pas 35 ans, pour non, regarde, 22 ans, je t'en mets une gueule. Excuse-moi, non, mais... je t'arrive. Non, mais je plaisante. Mais mais ça va passer un jour ou l'autre, ça va passer hein, normalement. Il y a juste chez Sandro, ça passe pas. Hein. Bah ouais, mais quand? Ah bah ça, on peut pas savoir. Mais elle est encore jeune, Sandro. Il n'y a pas un agenda. Hein. La puberté. Bah oui, il faut que je finisse ma puberté. Voilà, c'est ça. Ouais, et chez Sandro, la puberté va jusqu'à 50 balais. Donc, Mais en fait, la, je vais. Excuse-moi, tu sais, j'ai des voisins casse-couilles, donc je vais parler voix basse. Ah oui, parce que tout à l'heure, il y en a qui est venu râler parce que tu parlais trop fort. Excuse-moi. Et donc, en fait, la plus grosse claque que j'ai pris dans ma vie a été que elle se mette avec quelqu'un de plus âgé, quoi. Et là, je me suis... laisse-moi finir. Je me suis dit, mais écoute, y a une chose qui se pose, c'est soit t'es incompétent niveau sexuel, ou c'est soit, voilà, t'es trop moche. Ah non, je t'interromps, ça peut être les deux. Et oui, écoute-moi, jeune rouquin. Il y a un moment donné dans la vie, faut que tu tournes la page. T'as compris? Oui. On s'en fout qu'elle soit partie avec un mec plus âgé, plus beau, plus gros, plus mince. Il faut que t'abandonnes. Attention, Polo contre la force du monde, c'était pas maintenant. C'était pas une émission d'écoute et d'accueil pour l'instant. Nous sommes encore dans Mickaël No Limit. Dans son cas, à un moment, faut vraiment changer de bouquin même. Oui, Mais le mec avait tout, c'est-à-dire boulot, appart. Ben oui, ben voilà, mais c'est pas grave. Il faut trouver une autre meuf qui voudra d'un mec qui n'a rien. C'est ce que je te dis. Ça existe, ça existe. Non, mais c'est dit comme ça, là, franco de porc. Mais oui, attends, ouais, attends. Moi, j'ai tendance un petit peu à interpréter ce que tu me dis là. C'est le monde des bisounours, quoi. Mais non. Mais tu sais qu'il y a des meufs qui s'en branlent et qui sont pas matérialistes. Il y en a, hein, qui sont pas matérialistes. Il y en a beaucoup, mais il y en a. Faut les trouver, quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est pas vrai. Il y en a qui sont pas matérialistes et il y en a peut-être une qui va t'arrêter. Tu vois, tu me laisses pas parler, Sam. J'ai l'impression que quoi qu'on te donne comme solution. C'est qu'elle est partie. Quoi qu'on te donne comme solution, c'est ouais, mais non. Ouais, mais non. En fait, c'est ça. Je pense que tu as oublié le principal problème de tous tes problèmes, c'est que t'es relou. Mais non, mais c'est que tu. Si t'es avec les filles comme t'es avec nous, ouais. Tu ne les laisses pas parler. Elles adorent parler. Elles adorent si, être racontées. Si, j'ai une on va dire une grosse capacité, c'est que je sais les faire rire. Ouais, mais là comme ça, à première vue, ça ne s'entend pas. Mais ouais. Je peux concevoir que c'est peut-être avec le spliff. Mais et en plus, il y a un truc qui est une théorie de Polo que tu dois absolument connaître, qu'il va t'inculquer maintenant. Menteur, elles adorent qu'on leur mente. Ouais. Et écoute, même quand ça te saoule, elle va te raconter sa life toute sa journée. Dis-lui ouais, oh c'est génial, bravo. Oh, t'en as de la chance. Oh là là. Alors que il y a Marine qui n'est pas d'accord. Hein. Hein je ne suis pas d'accord. Attends, moi, on t'entend mal. Non, franchement, un mec qui ment, c'est pas possible. Et Laurence, tu peux pas le savoir. Et Laurence, elle qui est d'accord. Marine, non, mentir, mais ouais. c'est bien quand un mec dit oui, c'est bien. Ah oui, d'accord. Quand tu nous écoutes. Mais oui. Ouais. Mais même si on sait qu'il s'en branle vraiment, mais c'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui. Alors, il fait semblant. Je suis d'Auxerre. Même si on le sait, c'est pas grave. Je peux prendre la parole. Je suis d'Auxerre. Alors, elle est où la chicha? Je ne suis pas d'accord avec lui, ce connard de Polo. Ce sale chauve. Je l'emmerde, voilà. Il déconne rien au fil, je crois qu'il est encore plus saoul. Voilà. Oui, ça c'est possible. Non, mais moi, plus il va me mentir, plus il va me dire oui, et plus je vais le saouler, et plus je vais parler. Donc. Alors que s'il te dit non, tu vas le saouler quand même. Mais moralité, oui. T'es toujours saoulé. Il dit non, je vais gueuler parce qu'il va pas m'écouter. Wow. Voilà, donc dans les deux cas, il va prendre cher. Mais écoute... Je pense qu'on a trouvé quelqu'un pour toi, il s'appelle Sam. Et il a dit non, si, c'est un peu loin de chez toi, mais je pense que vous vous êtes trouvé. Je paye le billet. Non. Allez hop là. Allez, je suis comme ça, so je suis princier. Ah, tu peux payer, j'ai pas mon portefeuille. Moi, honnêtement, je suis preneur. Hein. Ah bah, je m'étonne, oui, t'as l'air d'être preneur de tout. Mais attends, parce qu'il y a Steven qui était là également, qui voulait donner son avis. Salut Steven. Salut. Moi, écoutez les gars, je suis parti. Moi, je suis parti de rien. Il y a une fille qui vient me parler. À 25 ans alors que j'en avais 18, donc moi je suis encore au lycée et tout. Ouais. Donc comme quoi voilà, mais faut pas se laisser décourager. Déjà tu as de la chance, les meufs viennent te parler. C'est vrai. Bon. Moi aussi j'ai c'est-à-dire bon je vais pas mâcher mes mots, je fais la manche, tout ça machin. Et bien sûr j'ai aussi des jeunes filles qui me font des sourires, je parle monte avec eux. Y a pas de écoute-moi problème. Bien jeune rouquin. Eh bien tu as de la chance parce que moi ça ne m'arrive pas. Voilà, c'est-à-dire que toi moi je dois batailler pour qu'une meuf daigne me sourire. Il est obligé de leur mentir, de leur promettre monts et merveilles, etc. Et malgré tout il rate, hein, ça c'est une galère. Le après, c'est-à-dire le après, c'est qu'est-ce que tu vas lui dire? Bonjour, excuse-moi, t'as pas l'heure. Bon, bah, elle va te donner l'heure. Et puis après, tu vas dire quoi? Tu dis, est-ce que tu peux me redonner l'heure dans 5 minutes là, parce que j'ai peur de rater un truc. Non, mais tu vois, il faut les faire rire, voilà. Mais, tu vois, c'est con, mais fais cette vanne de merde sur l'horloge. Mais je l'ai ce don-là. C'est pas un don. Active-le. Un grand ami à moi qui s'appelle Patrick Dufour m'a dit un jour. Mec, vas-y, tente sur un malentendu, écoute, ça peut marcher. Je suis l'un des plus grands des comiques. Je pense que toute l'équipe connaît des proches. Ouais. Ou plein d'autres. Voilà. Donc quand on a une certaine saturation là. Une certaine. Ouais. Je vais dire. Moi, ça fait longtemps. Bon, la roukmout là, tu vas arrêter. Arrête. Bon, écoute, Sam, ce qu'on va faire. On va demander à des filles. Est-ce qu'il y a des filles qui voudraient éventuellement peut-être directement parler à Sam ou être mise en relation avec Sam, par exemple. Moi, je voulais juste te dire un truc. T'as de la chance parce que dans un autre temps, on t'aurait déjà brûlé depuis longtemps. Quel con, alors, mais pauvre con. Une minute. Oh, voilà, terminé. Voilà. On est mieux là, non? J'ai 27 ans, je suis célibataire, du mal avec les filles. Mais dis pas ça! Menteur! Non, mais c'est si. Pas bien de mentir. Non, mais alors Sam, ne leur mens pas, mais ne donne pas toute la vérité. Imagine, t'es un mec, tu sais que t'as une petite bite. Bon, elle est pas énorme. T'arrives pas sur un site de rencontre en disant salut, je m'appelle Roger, je suis voilà. Brun aux yeux bleus, j'ai une petite bite. Mais ferme ta gueule. J'ai pas d'argent, je suis pauvre, je suis un connard. Voilà, c'est ça, je suis con. Je ne te paierai pas. Alors fais comme Toff. Si. Quand tu vas aller inviter une fille au resto, bah tu lui dis que t'es blindé de thunes, mais quand t'arrives, bah tu payes pas. Tu dis que t'as oublié ton portefeuille, voilà. Par exemple, si t'es un crevard. Exactement. Toi, il y a des astuces. Et ça te fait le resto gratuit. Bon, bref, appelez-nous 01 42 48 5000 pour Sam. Sam, on te reprend si. Enfin, Sandro, te donnera les numéros de téléphone Mickaël, si jamais Mickaël quelqu'un. Mickaël, juste, est-ce qu'il y a possibilité de revoir Karel parce qu'au niveau de l'adresse, j'ai un petit peu merci. Oui, je bah tu rappelleras lundi. Voilà. T'es sérieux? Bah oui, on va pas le rappeler. Tu veux Sandro peut-être? Oui. En fait, Karel n'est pas standardiste. Parce que Karel est animateur, il n'est pas standardiste. Et il fait une autre émission que celle-ci. J'ai confondu. C'est l'effet du Bédo. Ah bah voilà, mais il n'y a pas que celui-là, l'effet du Bédo. Elle t'a peut-être quitté pour ça aussi. Peut-être, ouais. Je te repasse Sandro. Elle va prendre tes coordonnées. Salut Sam. Ça marche. Ciao. Ciao à toi. Merci Steven d'être passé. De rien, un petit souci les gars, par contre, est-ce que je pourrais avoir un pack de fun? Ouais, tu gères ça avec Sandro standard, pas de problème. D'accord, il passe une petite dédicace là vite fait. Ouais, vas-y, profite, t'as une seule personne, hein, choisis la bonne. D'accord, y'a pas de soucis, donc j'ai fait une dédicace à mon pote Sosten qui est en train de m'écouter là. Très bien. Et donc, voilà. Le message est passé, y'a pas de soucis. Salut. Salut. A bientôt, ciao à toi. Sale roue. Non, je rigole. Oh là. Ah, il était gentil, mais putain, et appelez pas quand vous était lourd. Ah non, mais appelez pas quand vous avez fumé, quoi. Bah oui. Bon, on va s'écouter que DJ Cassidy, tiens, avec Calling on Earth. Ça va être bien, puis on fera les appels de Toff juste après. Et voilà, DJ Cassidy, Calling on Earth. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Il y a Anthony qui dit salut Mickaël. Niveau filles, ça n'a rien à voir. Elles sont toutes différentes. J'en ai trouvé une après un an et demi de célibat. C'est la fille parfaite qui prend pas la tête. Eh bah c'est bien pourvu que ça dure, Anthony. C'est bien. Laura également qui dit oublie ta meuf, tourne la page. Elle est partie avec un autre. Mais c'est ça. Sabrina également. Mais reste pas sur ton sort là. Bouge-toi, Sam. Il y a Maria Limite qui dit ouais, on aime parler. Oui, effectivement. Et Mom également. Je préférais que ma femme me quitte pas, ni pour un homme ni pour une femme, et pour ça je lui ferai un enfant et la rendrai la plus heureuse. Oh, c'est choupi. Moi je préfère qu'elle crève ma femme. Bah, non, je plaisante. Il y a Théo qui dit moi j'ai peur des gros serpents là, tu t'es pris un gros vent de l'Elysée. Ah ouais, tout à l'heure. Oui, en début d'émission. Bah oui, attends, scandaleux. Une honte. La honte. Plus qu'une honte. La honte. Bon, Jérémy, on va parler des villes, de la ville justement bloquée. C'est ce qui est arrivé à Paris. On aura Sergio également dans quelques instants pour parler des animaux qui font peur. On aura aussi, bien entendu, Laurence qui va rechanter une chanson. Alors du coup, toujours Gauthier, somebody Bah soit ça, soit une en portugais. Quoi? Soit somebody that used to know, soit une de Paulo Fernandes, une en portugais. Qui va se foutre caray de la Portugaise. Non, il n'y a pas tout ça. On va rester sur le. Je suis portugais, mais on va rester sur le Gauthier quand même. Ok. Voilà, je suis belgo portugais, tu vois, je choisis de belge. Je suis Ginette d'Auxerre, je voulais chanter une chanson. Ah bah très bien, parfait. Tu chanteras après. Petite bon, Marie. Tu peux fermer ta gueule. Voilà. On va faire les appels maintenant. Mais allons-y. Allez, c'est parti. Je rappelle que donc demain est une grande journée. Non, pas demain, après-demain, samedi. Est une grande journée puisqu'on change l'heure. Oui. On avance d'une heure. C'est ça. Et du coup, il y a le WWF qui proposait de 20h30 à 21h30 pour économiser l'électricité, etc., etc., de couper tous les appareils électriques. Voilà, on coupe tout, on ne laisse rien pendant une heure. Voilà. Et du coup, il y a Durex qui a sauté sur l'occasion, c'est le cas de le dire, et qui a proposé la Love Hour. Exactement. Voilà. Dans la même heure, comme on n'a plus rien d'autre à faire, on baise. Voilà, dans le noir. Eh bah forcément il n'y a plus de... Bah le soleil sera déjà couché à 20h30 puisqu'on n'aura pas encore changé l'heure. Ah oui c'est vrai. Eh bah oui, alors que le lendemain il sera encore debout. Ah bah oui, c'est dommage. Mais c'est dommage parce que c'est le samedi la Vauer et pas le dimanche. Pas de chance. Ah bah oui on fera avec. Donc on appelle des gens depuis tout à l'heure, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff comme tous les soirs, toph@funradio.fr. Et on appelle des gens afin de les prévenir et de deux, de voir si éventuellement tu peux aller mettre une petite cartouche à madame. Bah évidemment. Puisque t'es un peu en chien ce week-end. C'est ça. Allez exactement. C'est parti, on y va, on appelle 1h40 du match, il y aura Polo contre le reste du monde tout à l'heure aussi dans un quart d'heure. Ouais. Grand moment. Très grand moment. Allô. Oui, je m'excuse, monsieur. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si je pouvais venir faire l'amour à votre femme samedi, comme c'est la Love Hour. Mais qui vous êtes encore? Moi, je suis Toff, monsieur. Eh ben, allez vous coucher. Ben oui, mais pour votre femme, alors. Allez vous coucher, je te dis. Ah, oh, des conneries, tu vas passer des pubs. Pas du tout, monsieur. Allô. Ah, c'est pas des pubs. Bah, on non, ne vend enfin... rien, là. On ne vend rien du tout. Bon, on rappelle. Ah, tu vois pas que c'est des pubs. On est dans le Corse, non? Je sais pas. En tout cas, dans le Sud. Oui, allô. Allô. Oui, bonsoir madame. Voilà, bonsoir, en fait, oui. Je vous appelais parce que samedi, c'est la Love Hour entre 20h30 et 21h30. Ah, écoutez, je ne suis pas au courant, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est pas grave, en fait, c'était juste pour savoir si je pouvais venir vous faire l'amour. Allez vous faire poutre. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Ah oui, bah, elle est partie, là. On est en Corse, hein. Ouais, ouais, bah oui, là, oui. Attends, on va la rappeler encore. Je crois que c'est Marie qui va redécrocher, je pense, non? Allô. Oui, ah. Monsieur, je comprends pas pourquoi vous le prenez comme ça. J'appelle la police. Comme mais... ça, vous aurez compris. Dans un moment, j'appelle votre numéro et j'appelle la police maintenant. Ça pourquoi vous appelez la police, monsieur? Je comprends pas. Oui, j'appelle la police. Mais pourquoi... Je téléphone à la police, j'ai votre numéro et je vous les envoie. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire, monsieur? Moi, c'est avec votre femme que je veux faire l'amour. Moi, je vous le dis. Oui. J'appelle la police. D'accord. Mais dans un moment, vous avez des gendarmes chez vous. Oui, mais pour il n'y a pas de vous, monsieur. Mais... Allez vous la prendre au cul. Il n'y a pas de vous, allez vous la prendre au cul. Bah oui. Bah j'ai envie de dire pourquoi pas. Bah c'est pas mal, moi j'aime bien l'idée. Bah ouais. Il y a Laï qui envoie un message. Bonsoir Fun Radio, je suis avec ma belle, elle vous salue. Eh ben salut à toi ma belle. Il y a Victorine également qui dit j'ai peur des rats car il y en avait un jour. Il y en avait un aujourd'hui au collège. Ah donc s'il y en a un dans le collège, faut quand même se renseigner un petit peu et faire attention. Hein. Bon, il y a Jérémy qui est avec nous également de Tarbes. Salut Jérémy. Salut l'équipe, salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Tranquille, ça va. Bon, tu voulais parler des villes bloquées comme on l'a eu tout à l'heure. Hier et aujourd'hui d'ailleurs, on était bloqués pour arriver à la radio parce que il y a François Hollande qui a décidé d'inviter un pote pour faire une petite boum. Oui. Voilà, et donc du un coup. Un peu encombrant le pote, mais. Ouais, un peu encombrant quand même, hein. Et donc du coup, bah, pour éviter que ça fasse boum, il avait bloqué tout le quartier. Voilà. Ouais. Voilà, un gros bordel. Et on l'a appelé l'Elysée tout à l'heure pour essayer d'avoir un mot d'excuse. Ils nous ont raccrochonné 5 fois de suite au nez. Ouais. C'est scandaleux. Ouais, 5 fois de suite. Et tu voulais donner ton avis sur quoi toi là-dessus? Tu voulais dire quoi? Ben en fait voilà, moi cet après-midi, donc j'habite à Tarbes. Ouais. Donc je partais en ville quoi vers 14h. Tu peux ralentir un peu? Ouais, on est bien, ouais. On a la cool, hein, t'inquiète. Ouais, on est pas très vite, c'est normal. Et donc? Ouais, donc voilà. Donc je partais en ville tranquille vers 14h. Et puis là, l'artère principale de Tarbes bloquée. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, y a le maire, il avait invité un Égyptien. Ah bon? Non, une alerte à la bombe. Ah merde, oui bah oui, ouais. Mais bon là limite il y a une raison, tu vois. Ah bah tu oui, peux te dire ok, ah c'est oui, bouché oui. Parce qu'il y a ça, on sait jamais. Et t'es bien content que ça soit bouché, enfin que ce soit fermé, comme ça tu risques pas d'exploser, là il y avait rien. Là il y avait rien, ouais. Oui, mais donc ils appellent les démineurs de Bayonne, tout ça pour apprendre qu'au final c'était une boîte de conserve qui était là pour une chasse au trésor. Donc ils ont bloqué la ville pendant 5 heures de temps pour une chasse au trésor. Ben ouais, mais bon, c'est après. Après c'est normal, les mecs on sait jamais, tu vois, ça aurait pu pour le coup être une bombe, on sait pas. Ouais, ça aurait pu, mais bon, sacré bordel pour rien quoi, ils ont fait bouger tout le monde pour rien quoi. C'est vrai, mais je vais me mettre du côté obscur, regarde. Imagine, ils n'auraient rien fait en disant, ouais, c'est bon, c'est une boîte de concert, on va pas bouger. Bam, le truc explose. Ouais. Et alors là, t'aurais dit, oh putain, les enculés, on les paye, ouais. Et même pas, ils ont été voir s'il y avait une vraie bombe ou pas. Ouais, ça c'est vrai. Moralité, ah, en tant que bon français du RAL. Ouais. C'est ça qui est bon. Voilà, c'est ça. Non mais c'est ça. Mais cela dit, je comprends. Après c'est relou, hein. Mais là pour le coup, c'est histoire de président chinois. Non, c'est président chinois. Là, la Chine, hein. Ça s'appelle Xi quelque chose. Ouais, Xi Jinping. Xi Jinping. Qui est venu là et qu'il faut bloquer tout. Encore qui bloque la route au moment où il passe. Ah oui. Ok, je peux comprendre. Mais qui bloque la route toute la journée. Enfin la route qui bloque tout le quartier toute la journée. Au cas où il y bouge, genre c'est bon, il y a un moment, faut pas déconner. Ouais. C'est scandaleux. Ah, du coup, Toff, il avait prévu de payer à bouffer, on n'a pas pu aller parce que c'était fermé. Hein. Ouais, c'est ça, c'était fermé. Ah, on s'est un fait bon niquer, burger en plus. Ils ont fermé la rue principale à Auxerre aussi. Exactement. Bah ouais, la rue principale, pareil, ouais. Exactement. Auxerre, ils ont tout fermé aussi. C'est scandaleux. Non, mais voilà, tout ça pour dire que voilà, là, il y avait une raison, même si c'est relou d'être bloqué, mais il y avait quand même une bonne raison, alors que là, c'est pour le coup, je trouve, non. J'estime qu'il n'y avait pas de bonne raison. Bah non, ce truc, c'était de boucler toutes les rues, quoi. Ah oui, c'est relou. C'est pas juste une où il pourrait passer. Bah oui, bon, en tout cas, merci beaucoup, Jérôme, d'avoir appelé. Eh ben, de rien, pas de soucis. Si je peux rajouter que Toff a une très belle voix. Non, merci. Plus belle ou plus belle ou pas que celle de Laurence? Différente, mais vu qu'il a la même voix que moi, c'est... Bah, non, je te remercie, je te remercie. C'est formidable, avez... toi, c'est formidable. Donc toi, tu te tires des balles dans le pied, là? C'est ça. Ah ouais, ah bah très bien, écoute. Oh, mais j'aime bien, moi. Non, mais tant mieux, écoute, Jérémy, il en faut, hein, il en faut. Mais oui, j'espère que tu voteras pour moi à Rising Star, hein, qui commence dans pas longtemps, là. Mais tout à fait, bien sûr. Je suis toujours en plan. Je te remercie. Ah bah très bien. Eh bah, il faut comme ça des gens qui aiment la minorité, c'est beau. Salut, Jérémy. Il faut soutenir, il faut salut, soutenir. Salut, c'est beau, c'est d'avoir un Paxson. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse. Ok, merci, allez, salut, bonne Jérémy. Soirée, ciao. Ciao. Il y a Sergio également avec nous, salut Sergio. Salut. Qui a la radio à fond de balle. Non, ça y est, j'ai éteint. Salut, Michael. Salut, Sergio. Et il y aura Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Ouais. Hein, si vous voulez appeler une émission, certes, qui ne dure que 5 minutes, mais une émission d'écoute, une émission d'amitié, d'entraide. Une émission psychologique, une émission... puissante, je suis premier à Auxerre. Et ça, c'est beau. Oui, tout à fait. Ouais, tout Auxerre m'écoute, je t'aime, Auxerre. Voilà. Donc, vous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Ne vous étonnez pas de vous faire accrocher au nez à un moment ou à un autre. Hein. Ouais. Ça peut arriver à tout moment. Bon, alors, Sergio, toi, tu voulais réagir par rapport aux animaux. Toi, t'as peur de quel animal? Ah, moi, j'ai peur des lions. Des lions? Oui, mais c'est normal, ça. Hein. Oui, un lion, c'est normal. Hein, mais pourquoi t'es heureux comme ça? Il est content. Ouais, j'ai peur des lions. Ouais. Attends, ce que tu sais pas, c'est que moi j'ai touché le lion. Ouais, bravo. Et il m'a bouffé la main. Presque. Explique. Il m'a mis un coup de griffe, ce con. Bah, oui, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il te fasse d'autre? T'as cru qu'il allait t'embrasser, qu'il allait te faire un câlin? Bah oui. Mais là, je t'explique, tu sais, j'étais en vacances, je suis au Portugal. Ouais. Tu es d'origine portugaise comme toi. Ouais. Oh, bonne nuit. Bonne nuit. Il faut d'herbe. Caraïbe. Va tout en ring. Non, c'est pas pour moi, ça c'est bon pour moi. Bon. Et tu sais, ils exposent les animaux dans les cages. Ouais, ça s'appelle un zoo plus communément. Comment? Je dis ça s'appelle plus communément un zoo. Non mais avant, ouais, non. C'était un cirque. Ouais, bon d'accord, ok, un cirque, ouais. Donc c'est pas zoo, c'est dans un cirque, tu sais, ils mettent des cages et puis les gens ils peuvent venir voir les animaux. Ouais. Ils avaient mis des ganivelles devant pour pas qu'on s'approche de trop et le lion ouais, il dormait. Et là il est arrivé à faire oh un gato. Un gato. On l'appelle un un chat. Énorme, sauf que c'était un gros lion. Ah ouais c'est clair. J'ai touché la patte moi. Attention. Ah ouais. Ouais, mais lui il a pas kiffé par contre. Il a pas kiffé que tu lui touches la patte, hein. Il s'est dit putain non, c'est quoi cet enculé là. Il m'a mis un coup de patte et il m'a arraché un bout du doigt. C'est normal, imagine t'es en train de. Les gars, imagine toi, hein, t'es en train de dormir sur une plage et tout, il y a un mec qui vient de toucher la couille. Tu fais quoi? Eh ben, tu le démontres. Tu le frappes. Ben oui, je frappe. Ben voilà, bah pareil. Ben voilà. Le lion, c'est pareil, t'as eu ta réponse. Bah le lion, c'est pareil, c'est le même, hein. Il sait pas ouais, les faire. Je pensais qu'il dormait, quoi, tu vois, tranquille. Ah non. Je voulais voir si c'était doux et tout. Ah ouais, c'était doux. Bah, c'est comme la couille. Il miaulait, genre, il avait mué ou pas? Non, il avait pas mué. Hein. Ah ouais, bah alors c'était un doux alors. Bah ouais, bah voilà, tu nous aurais demandé aussi, on t'aurait répondu, hein, c'est pas un problème. Bon, bah merci Sergio. Bah je t'en prie. Salut, à bientôt. T'inquiète pas, on va rien changer. Bah si, peut-être Toff, mais c'est pas sûr encore, on va voir. Non, il est bien, on rigole bien. Ah, non, il est bien tous les soirs, les mecs. Hein. On va le raboter un peu, là. Truc, là. Ouais, on va le raboter un peu, là. C'est tout. Voilà, un petit coup dans sa gueule. Salut, Sergio. Merci, salut, les gars. Ciao. Allez, à bientôt, ouais. Sergio. Bon, on va se faire Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. On aura également le top tweetos de ce soir. On va savoir quel est le numéro 1 et qui va repartir avec le sextoy offert par... PassageDuDésir.fr. Évidemment. Et on va également aussi se faire le générique de fin, bien entendu. Et on va d'abord aussi... T'es prête, Laurence, là, pour la chanson? Ouais, tranquille, ouais. Bah, on y va, tranquille, hein, pépère. On y va cash, là, tout de suite ou... Bah, ouais, vas-y. Ah bah tout de suite au okay, 4 parce que Toff qui est en train de sauter sur... Tu prends ta guitare s'il te plaît avant oui. Que je me lève ou que je m'énerve. Non tu veux que voilà. Je tape pas, attends je te la passe. Ouais. Et ouais c'est ça, Polo lui il gère bien, il va prendre la guitare et là pas il va la casser, ça va être le drame. C'est ça. Est-ce qu'on peut mettre un micro du côté de la guitare? Ouais, attends je gère ça là, je vais la mettre en double 16, vas-y fais-moi un petit là, un voilà. Petit ré majeur. Faisons un petit test. En 16-8, vas-y. Ah c'est du 16-8 ça. C'est du 16-8, c'est parfait. Voilà, et donc Laurence qui va nous chanter la chanson de Gauthier, donc un belge avec Somebody. Gauthier. Si tu veux. Je suis parti dans la... Ah test. Oui, c'est un test. Je teste. 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, ok. Voilà, 1, 2, 3, ok, c'est cool. Voilà, donc Gotti, si tu veux, avec Somebody I Used to Know. Et bah voilà, tu vas faire la guitare, hein, comme t'avais chanté hier au téléphone, on t'avait invité à venir. Et cette fois-ci, Toff est muselé. Hein, il ne chantera pas en même temps, évidemment. Ouais. Évidemment. Bon, alors on y va, donnez vos avis aussi en même temps avec le hashtag Mickaël. N'hésitez pas, c'est parti. On y va, Laurence en live sur Fun Radio, il est 1h50, bah quand tu veux. Bah ça sera maintenant. Et bah c'est parti. Like when you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But our love and its unique, I still remember. Sadness, like crazy nation till the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad that was over. But you didn't have to cut me off, make it like it never happened. I don't even need your love, but to treat me like a stranger, and that feels so rough. No, you didn't have to stop so low. Have your friends collect your records and then change your number. Cause that I don't need a though. Now you're just somebody that I used to know. Somebody so rough. Now you didn't have to stop so low. Have your friends collect your records and then change your number. Guess that I don't need it though. Now you're just somebody that I used to know. Somebody I used to know. Somebody I used to know. Le public est là. Eh ben, je vais te faire un compliment, j'en fais pas beaucoup, t'as une très belle voix. Tu chantes très bien parce que des fois quand les gens font ça, t'as honte, tu sais plus où te mettre et tu dis putain, elle nous a niqué le truc, mais là c'est magnifique. Ah non, c'est bien, ouais, bravo, franchement bravo, c'est bravo. Bien. T'allais dire quoi? Je veux faire un gros bisou à mon frère que j'aime plus que tout. Ah, je crois que t'allais dire putain, j'aurais voulu que Toff chante avec moi. Ah non. et je fais un bisou à toute ma résidence. Et la ben résidence voilà. Universitaire Le Pote, je vous aime tous. Et tout le Brésil. Et j'embrasse et tout le monde. Et tout le monde. Et tout le Brésil. Y'a Léa qui dit jolie voix, pourquoi tu t'inscris pas à The Voice? Parce que c'est pas mon trip. Voilà, Prisou également, elle gère bien Laurence quand même. Là, Andreas également, super ce qu'elle fait. Future chanteuse star, au top. Kiffante la voix, c'est Miss Vilaine. Andreas aussi encore, super ce qu'elle fait. Ah ben, je l'avais déjà lu, autant pour moi. Et Maria qui dit magnifique et fanatique, c'est également super belle voix. Non, pas celle de Toff, évidemment. Oui, bah tu m'étonnes, hein, en même temps, il n'y a pas photo entre les deux. Hein. Ah, et c'est dommage, tu sais pas faire. Pas d'accord. On a un pote, on va taire son nom parce que c'est quand même un gros bouffon. Ouais, mais on l'aime bien. Non, on va on dira rien. Qui est fan des Magic System. Est-ce que tu peux pas faire Magic System? C'est olé, olé, olé. À la guitare, non, à la voix peut-être, mais j'ai pas de son là. Oh bah attends, si c'est juste ça ton problème, attends. Ah oui. Magic, mes couilles. Attends. Voilà, est-ce que... Je pense pas qu'on ait ça, je pense pas qu'on passe ce genre de truc sur fait. Ah si, ça alors, c'est marrant ça. Ah tiens, là, ça, attends. Magic System avec la Bionix. Ouais. Voilà. Nous on est venu pour danser. On est venu pour la Bionix. On va faire le show. Quelle horreur. Ouais. Bon, c'est dramatique. Mais ce mec n'a absolument pas de goût. Hein, mais on taira son nom. On va taire son nom. Non, mais c'est clair. Bon, mais merci beaucoup, Laurence, en tout cas, d'être passé. Merci à vous de m'avoir invité. Et bah, avec plaisir. Et puis, comme t'as chanté hier, voilà, tu repasses quand tu veux. Il y a pas de problème. Tu referas encore un duo avec Toff. Ça va être la folie. Mais oui, attends. Bah, bien sûr. Ok. Voilà, mais un vrai duo, hein, enregistré tout ça et tout. Bien sûr, on va enregistrer une vraie chanson. Waouh, ça va être la folie totale. Sur Michael Jackson. Exactement. Bah, par exemple, un truc facile. Exactement. Toff, il fait bien le plus il fait bien le moonwalk, ça. Ah ouais, grave. Attends, je suis un très très grand danseur. Le rythme dans la peau. Ah bah totalement. Et puis Polo, je te laisse parce que visiblement j'ai vu qu'il y avait un truc. De saluer nos Auxerroises. Salut à mes copines d'Auxerre. On se retrouve demain pour aller faire un petit shopping. Un petit shopping et puis ensuite on ira se chez faire le les ongles. Polo, non, tu iras pas chez le coiffeur? Si, pour me refaire la mèche. Franchement, on prend au mot. Ah bah il va venir à Auxerre, t'inquiète pas. Bien sûr, je vais venir à Auxerre. Attendez les girls, vous me connaissez. Il a déjà réservé son train là. Mais évidemment. Bon, bah, merci les filles d'être passées aussi. Hein. Vous revenez quand vous voulez, hein, pas de problème. Même si vous étiez à Auxerre, c'est pas un souci ça. Bon, on se fait Polo contre le reste du monde. Polo against the rest of the world. On va enchaîner ça maintenant, évidemment. Hein. Hop là, c'est parti. Cette grande émission qui a été découverte hier par la haute sphère, le sous-chef donc qui a découvert cette nouvelle émission. J'attends un retour. Moi je parle qu'au à son Altesse Sérénissime, c'est vrai, le c'est reste, vrai. Voilà. Allez, Polo contre le reste du monde, cette seule émission qui vous écoute tous les soirs pendant 5 minutes et qui est vraiment à l'écoute. On y va, bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio, on commence tout de suite avec le chanteur. Ah, le chanteur n'est pas là. Il n'est pas là. Jean-Luc. Oui. Ouais. Je t'écoute. Comment ça va l'équipe? Ça va très bien, il n'y a pas d'équipe, je suis tout seul là. Ah. Bon allez, réfléchis un peu, tu reviens juste après. Michel. Oui, salut Polo. Ouais, salut. Comment tu vas? Bien et toi? Alors j'ai une petite... Ouais, moi je vais bien, j'ai une petite colle pour toi ce soir. Vas-y. Alors je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle, qui suis-je? La bite? Non, du tout. Ok, Vincent le reporter, je t'écoute. Je suis à l'antenne Polo. Ouais, bah oui, mais idiot, bon, tu crois que t'es où? T'es à la foire. Est-ce que ça va? Mais ça te regarde pas. Vincent, et alors comme ça t'as trouvé une meuf? Ah, ça y est, ça recommence encore avec ça. Ah bah ouais, moi j'en ai rien à foutre. Je suis là pour faire mon reportage. Et j'en ai rien à foutre. Hey, je m'en fous complètement de ton reportage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta vie sexuelle. Bon alors. Bon, vas-y. Bah écoute, tout se passe bien et je pense que ça, je vais encore la retourner une troisième fois. Eh bah voilà, tu vois quand tu veux, t'es intéressant. Monsieur le directeur. Oui, monsieur Polo. Ah. Bon, écoutez, j'ai bien eu l'occasion d'écouter votre émission aujourd'hui. Je vous remercie. J'ai écouté celle d'hier également. Ouais. Il y a quelques modifications à faire évidemment, mais je tenais quand même à vous féliciter encore une fois pour avoir ouvert votre Facebook hier. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Et d'arriver déjà à 30 millions de fans. Ah bah on fait ce qu'on peut. Hein. Je trouve ça exceptionnel. C'est pas mal. Hein. Exactement. Comme je l'ai dit hier, vous saluerez également Madame Xin Ching Shli. Qui c'est? Ah oui, d'accord, oui, c'est une fan. Apparemment, c'est une fan, apparemment, elle a fait beaucoup de likes sur votre page. Là, c'est elle vrai. Elle vient du fin fond de la Chine, donc c'est plutôt très, c'est très très bien. Ah mais je suis international. Fun Radio en Chine, hein, tout à fait, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va s'en occuper, merci monsieur le directeur. Le chanteur. Le téléphone plein quand tu ne viens pas. Le chanteur. Oui, Polo. Comment t'expliquer? Tu es vraiment chanteur? Ah oui, je fais tous les balles. Trouve-toi un autre métier alors. Jean-Luc. Jean-Luc. Jean-Luc. Oui, oui Polo. Bon bah réponds idiot. Alors, t'as rappelé le muscu aujourd'hui? Ouais, j'ai fait que ça, je passe ma journée à faire de la muscu. Bah moi je vais pas tarder là. Bon bah c'est bien. Est-ce que tu crois que ça m'intéresse Jean-Luc cette connerie là? Bah je t'aurais bien invité. Mais pourquoi faire? Bah pour tremper ton biscuit, ouais. C'est chaud. Mais dans quoi je vais le tremper? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh là, qu'est-ce qu'il est bête. Michel, 29 ans. Oui, Polo, en fait, je voulais te présenter Sarah. Vas-y. Sarah Croche. Oh là, mais qu'est-ce qu'il est nul, je comprends plus rien. Vincent. Oui, Polo. Donc, qu'est-ce que tu veux? Alors, je vais pas faire un fameux reportage, parce que là, je suis exactement à un champ de sel en Seine-Maritime. Je suis au milieu des ovnis, des extraterrestres. Et Vincent, donc, Vincent, la grande Vincent, question, c'est de savoir... Vincent, est-ce que Vincent, hop. Vincent, t'es pas drôle. Chanteur, le chanteur, dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Je suis venu te dire que je m'en vais. Ouais. Tu sens le long, n'y pourront rien changer. Ouais. Ouais. Ouais, ça chie. Monsieur le directeur, le retour. Oui, Polo, écoutez, j'ai cependant noté quelques remarques. Oui. Je pense que vous n'avez pas très bien compris le slogan de la radio. Est-ce que vous pouvez le répéter pour voir? Je me souviens plus. Non, écoutez, regardez, c'est marqué devant vous là. Mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Parce que vous le prononcez mal, donc c'est Fun Radio. Le son dance floor. Non, vous voyez, vous le prononcez très très mal. Donc bah, c'est Fun Radio, le son dance floor. Bon, alors je le refais. Voilà, essayez. Fun Radio, le son dance floor. Non, vous voyez, vous le faites mal. Il pourrait essayer encore mieux. C'est Fun Radio, le son dance floor. Essayez. Alors, Fun Radio, le son dance floor. Non, vous le faites mal. Vous ne travaillez pas. Il faut travailler il faut travailler déjà le Fun la Radio. De parler. Fun Radio, le son dance floor. Non, Fun Radio, le. Essayez. Fun Radio. Le son dance floor. Le son dance floor. On va travailler, rendez-vous à 17h lundi dans mon bureau. D'accord. Jean-Luc. Je suis pas là. Oh là là là là, mais t'es Jean-Luc, t'es con ou t'es con? Bah je suis con mais. Ok d'accord. Vincent le reporter. Oui, il faut que je m'adresse à monsieur le directeur. Non, on s'en branle de ce que tu veux, Vincent. On va terminer ce Polo contre le reste du monde. Le dernier de la semaine, vous allez pouvoir vous reposer et puis on se retrouvera bientôt. Ah, on va terminer avec Jean-Luc. Jean-Luc. Oui, Polo. Alors, je t'écoute. Toujours sur Fun Radio. Polo contre la suite du monde, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Jean-Luc, Jean-Luc, raccroche-toi au nez tout seul, tu m'as saoulé. Raccroche. Allez, dégage d'ici. Allez. Vincent, tu conclus s'il te plaît. Oui, bah bon week-end Polo. Merci, allez, dégage. Et puis monsieur le directeur. Oui, monsieur Polo, l'émission Radio, est sur la le sellette. Son dance floor. L'émission est sur la sellette. Le son dance floor. Il va falloir travailler le contenu. C'est Fun vide, Radio. Cette émission est vide. Mais je m'entraîne la Fun Radio. Oui, eh ben, entraînez-vous tout le week-end, on reprend les interrogations dimanche soir. D'accord, monsieur le directeur. Bon, je ne vous souhaite pas un bon week-end et travaillez le contenu. Et à la fin de la semaine, on sera 250 millions d'auditeurs sur le Facebook. Oh, ne vous emballez pas, il y en a certains qui n'ont plus d'argent. D'accord. Fun Radio, le son dance floor. Oui, bah très bien, bah et continuez. Allez, merci, au revoir. Et pour terminer, le chanteur. Ouais, Polo, tu trouves que je chante mal? T'as chié en fait. Ah non. Ah, t'es une grosse merde. T'es la merde de la merde. T'es le caca du chanteur. Ah bon? Ouais. Mais. Bah, y'a rien à faire, on peut rien faire pour toi. Entraîne-toi. Bah, je vais aller me pendre. Voilà, allez. Courage. Allez. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Oh non, déjà. Ah bah si c'est comme ça, il y a des choses. Ah il faut. Ah mais moi je suis payé pour 5 minutes, je m'en vais. Hein. Fun Radio, ah, le. T'es payé pour ça? Ouais, enfin je crois. Putain. C'est le son dance floor. Il fait 4 heures d'émission, Nicolas. Ah bah c'est la vie. Ah bah dis donc. Ah là je m'en vais. Merci à ceux qui ont écouté. Bon. Et surtout ceux qui n'ont pas écouté comme d'habitude. Voilà, évidemment. Je m'en vais, allez. Voilà, bah très bien. Bah vraiment il faut te casser. T'as bien raison. Allez c'est parti. On va se faire le top tutos maintenant. On va donc voir quel est. Quel est l'auditeur le plus influent ou l'auditrice la plus influente sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. On va donc démarrer par le numéro 5. Alors, 5... Oui, 5. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fred S34. Ah, voilà, tu vois. Numéro 4. Elliot. Numéro 3. Marianne Limite. Ah, t'es pas mal. Numéro 2. Extra Gornax. Numéro 1. Vive les Sodomites. Vive les Sodomites qui a déjà gagné. Oui. Eh ouais, donc ce sera le Extra Gornax. Non, je crois qu'il a déjà gagné aussi. Bon bref, en tout cas, on va aller chercher celui qui n'a pas encore gagné. Et puis bah celui qui n'a pas encore gagné, eh bien repartira avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Et d'ailleurs, nos invités là, Laurent, c'est célibataire ou pas pour l'instant? Oui, je suis célibataire. Bon, on va te filer un sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà. Hein? Sérieusement? Bah bien sûr. Oui, bien ils sont dans le bureau en plus. Ils vont aller chercher dès ce soir. Et dès ce soir, tu pourras te faire plaisir. Excusez-moi, je suis aussi célibataire. Je voudrais avoir une gode pour me mettre dans la chatte. Je suis Franck, je suis désespéré, ma chatte demande de l'aide. Oui, très bien, vous inquiétez pas, les Auxerroises, on vous donnera aussi une chacun, il n'y a pas de problème. Le tout offert par passagedudésir.fr. Bien entendu. Et si vous voulez, vous pouvez même vous faire dédicacer une œuvre magistrale de Polo. Je vous offre, les filles, avec plaisir. Voilà, il faut savoir que Polo, pendant qu'il fait Polo contre le reste du monde, il dessine des bides sur ses feuilles. Non, voilà. Sur les feuilles de Toff. Ouais, enfin bon. Parce que c'est sur pareil. Les feuilles, ça n'a aucun intérêt, c'est toujours sur les cahiers de Toff. C'est vrai, c'est vrai. Allez, c'est parti pour le générique de fin maintenant. Ah bah, tu vas peut-être pouvoir chanter avec nous. Laurent, ce générique de fin. Alors, mets ton casque, tu vas voir. C'est un peu dur. Les paroles sont pas très compliquées dans l'absolu non plus. Hein. Bon, allez hop, on y va. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu suces des vite-off, te suces des doigts, l'enculé. Et l'enculeur t'encule ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui t'es un enculé. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encule ton nom toute la journée. Toi, ta mère, ta grand-mère. Ta gueule, connard. Ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. Top. Merde. Ce gros connard va te faire enculer. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu es un enculé. Ah bah bravo Laurent, ça on a bien pu compter sur toi là pour chanter, hein, bravo. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bitoff, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer, toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des agibés, c'est vrai. M'habite. Eh ben voilà. Je remercie Fun Radio de me l'avoir me laissé m'exprimer. Fun Radio. Exactement. D'ailleurs, faut que tu donnes le mieux le slogan. Là, j'ai entendu Monsieur le Directeur, il a raison. Bah oui, mais je vais m'entraîner. Non, Fun Radio, le son dance floor. Alors que JB, il arrive à le faire lui. Hein. Fun Radio, le son dance floor. Ouais. Et JB, Fun Radio, le son dance floor. Ah, il a sucé, hein. Il a bien sucé. Ah ouais, là, c'est certain, effectivement. Ouais, bah, bon, bah très bien, parfait. Bon, bah merci tout le monde, en tout cas, d'avoir été là ce soir. Merci à Emily, merci à Tom, Cheyenne, Yanis, il y avait Chris Leroy, il y avait Laura également qui était connectée, il y avait Gros Sac sur le Twitter de l'émission, il y avait Uncut également, il y avait GTR, il y avait Mika Lapéro, la petite fée également qui était là, qui dit le meilleur animateur de la bande FM et le plus beau aussi. Oh, c'est gentil. Il y avait Follow Back également qui était dessus, il y avait, qui s'y avait l'autre aussi. Cédric, etc., etc., MIG 10350 et tous les autres. Et ben merci à vous d'avoir été là ce soir. On se retrouve en pleine forme dimanche à partir de 23h sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors que Mickaël, nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et c'est l'ami JB qui va débarquer maintenant là. JB dans la radio. Oh, oh, oh. À 6h, Bruno dans la radio, n'oubliez pas. La France. Tu peux mettre mon générique s'il te plaît, Mickaël? Sur Fun Radio. Sur Fun Radio, le son dance floor. Évidemment. Tu veux ton générique? Alors, oui. Attends, excuse-moi, attends, c'est vrai que je l'ai pas mis là, autant pour moi. Voilà. Voilà, c'est drôle ça. Voilà le générique de JB dorénavant. Donc, mais c'est drôle ça. Mais oui, je trouve aussi. Allez. Quel talent c'est, Mickaël. On se retrouve. Il faisait le malin. Il a mis son pied sur la chaise et tout, genre je suis le parrain des parrains. Mais on devait pas. On devait pas avoir une interview. Non mais hey, c'est en préparation. Ah, c'est en préparation. Parce que là il a enregistré. Mais moi, on m'avait dit, il avait dit jeudi. Ouais, on est jeudi. Non, j'ai promis une surprise. Il y a eu une surprise. Et ça une surprise. Mais il y aura même une version live. Waouh, on est tellement beau. Je vous le promets. Je l'ai entendu. Elle est en production. Génial. On pense que ça, et voilà. Attends, parce qu'on doit partir là. On doit partir. D'accord. New World Sound, exactement. C'est un auditeur qui lui a demandé tout à l'heure à 23h, mieux vaut tard que jamais. New World Sound avec The Flute maintenant. Mais dis-moi. Et on se retrouve demain, pas demain, dimanche à partir de 20h sur Fun Radio avec des casques Zik a gagné. C'est ceux de by Parrot. Vous allez voir, c'est une tuerie totale. Hein. J'en parlerai dimanche soir. Il est Mehdi. Salut tout le monde et bon week-end.